couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 12. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à l'adresse suivante dempart@setemplar.com. Je répète, dempart@setemplar.com. Excellente nouvelle puisque le forum Europe Écologie Les Brins est enfin en ligne. L'adresse est la suivante, eelb.su. N'hésitez pas à vous y rendre, à le consulter, à y participer, à animer les différentes sections ou sous-sections du forum. Vous pouvez commenter les émissions, bien entendu. Vous pouvez commenter l'actualité, bien entendu. Guide racial des villes pour... un peu nous expliquer ce qui se passe dans votre commune, comment les choses évoluent. La section informatique est toujours intéressante aussi, puisqu'on a des cracks qui commentent là-bas. La section crypto est tenue par des gens très informés et qui essayent de, justement d'apporter tous ceux qui se posent un peu des questions sur les cryptos. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur YouTube, etc. On se pose souvent des questions parce que finalement, pour un avis A, on a l'inverse qui est exprimé par un avis B. Donc, si vous êtes un petit peu en questionnement sur la question des crypto-monnaies, sur un point technique, sur une crypto en particulier, sur les cryptos en général, n'hésitez pas à aller sur la sous-section crypto-monnaies. Ça sera très utile dans le futur, vous le verrez. Et là aussi, on a des gens très, très calés dans le domaine. Je remercie d'ailleurs les participants en général du forum et en particulier sur la crypto-monnaie parce qu'ils accordent du temps et c'est vraiment appréciable. Je vais maintenant procéder à la présentation des membres de cette semaine avec un invité exceptionnel, je devrais dire, et ne serait-ce que par sa qualité d'une part et ensuite par les événements. Vous allez vite comprendre de qui je veux parler. Alors je vais présenter les membres. Je vais commencer avec Sobieski, deuxième intervention de Sobieski. J'espère que tu vas bien, Sobieski, après une semaine de dur labeur. Oh, plein gaz, Gandalf, plein gaz. Plein gaz, effectivement. Est aussi avec nous cette semaine Pierrot. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous et joyeux anniversaire au Führer. Au Führer, effectivement, est avec nous cette semaine Vincent Renoir. Bonjour Vincent, je suis heureux de t'accueillir dans l'émission. C'est pas la première fois que tu viens, on est toujours très content de te recevoir. Évidemment, si on t'a invité aujourd'hui, plus spécialement, c'est pour l'anniversaire d'Adolf Hitler. Mais on va échanger ensemble, hein. On avait une thématique très spécifique à aborder dans l'émission, nos auditeurs vont la découvrir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de nos débats, je voulais savoir tout simplement, et nos auditeurs veulent aussi le savoir, comment tu vas, Vincent? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. D'abord, merci de m'avoir invité. J'en suis très honoré et je suis très, très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Je vais très bien, parfaitement bien. Tant que je ne serai pas arrêté, eh bien, pour moi, à l'heure actuelle, la situation est très bonne. Je vis tout à fait tranquillement. Alors naturellement, une fois que j'ai eu fui après le 25 octobre dernier, je n'ai gardé qu'un minimum de matériel informatique. Et donc je vis, j'ai tout perdu puisque les amis qui sont venus après vider mon appartement, puisqu'il n'était plus question de le garder et de payer un loyer qui aurait été à perte complète. Ils ont pris tous les livres. Ils les ont mis ailleurs en attendant, dans un garage. Et quant à toutes mes affaires personnelles, mes habits, ma vaisselle, tout ça, ils ont tout donné en Angleterre à ce qu'on appelle à des charity shops, vous savez, des magasins qui revendent des choses d'occasion. Ce qui fait que aujourd'hui, je me retrouve un peu comme quand j'étais en prison à Valenciennes, c'est-à-dire que je vis dans une petite pièce. Avec deux pantalons, enfin tout en double question vêtements, comme ça quand il y en a une série que je mets à laver, je porte l'autre série, etc. Et j'ai mon ordinateur et du matériel et puis un vélo. Et avec ça je vis. Donc je vais très très bien. Il n'y a aucun problème. Alors, comment dire, sur le site de Démocratie Participative, on met en avant un petit peu ton projet récent, showarnaque.org, si je ne m'abuse, qui est l'imposture de l'Holocauste sous forme de questions présentées, entre guillemets, d'un point de vue naïf, c'est-à-dire du point de vue de n'importe quelle personne, de n'importe quelle normie, pourrait les poser en tout cas, donc ça c'est une chose. Ensuite tu as toujours ton autre site, le blog sans concession. Oui, tout ça, pardonne-moi de t'interrompre, donc ils sont bloqués maintenant en France suite à une décision de justice, donc je suppose que tout le monde a un VPN et que comme la clientèle de DP est une clientèle jeune, ça pose pas de problème. Mais voilà, ils ont été bloqués il y a quelques semaines et puis maintenant les fournisseurs commencent à réagir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le blocage est effectif aussi bien sur Showarnaque que sur blog-sc. D'accord. Tu es toutefois disponible sur des plateformes vidéo. Alors je fais une distinction. Donc tu as ton site internet, c'est blog-sc.com, je ne m'abuse. Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est pour accéder à tes ouvrages, bien entendu. Il y a tes vidéos aussi, bien sûr, mais il y a aussi les ouvrages, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que tu vis de ta plume. Alors pour l'heure, la librairie est encore fermée, puisqu'ils nous ont bloqué toutes nos plateformes de paiement. Et que nous avons trouvé une solution, mais il faut la mettre en place et ça dure un peu. C'est pour ça que depuis plusieurs mois, la boutique est toujours fermée, mais elle va rouvrir incessamment. Elle aurait dû rouvrir pour Pâques, donc pour aujourd'hui. Il y a du retard, mais je pense que maintenant c'est une question de jours ou de semaines, pas plus. Et en effet, les livres vont être disponibles à nouveau. Sans compter qu'il y aura des nouveautés et notamment il y aura deux nouveautés que je dirais explosives, une pour dans 2-3 semaines et l'autre pour la rentrée. Voilà, donc ça. Septembre 2022, donc. C'est ça. Alors il y aura en septembre 2022, il y aura le début de la série Showarnaque. Ça dépassera largement, je peux déjà l'indiquer, ce qu'il y a sur le site Showarnaque. En fait, ce sera l'aventure d'Adolf Hitler, en gros, je dirais, de 1900, je remonte jusqu'en 1914, même si là, il n'y a pas Adolf Hitler, mais en fait, c'est une histoire de l'Allemagne de 1914 à 1945. Donc, ça s'appellera du genre, le titre ne sera pas Showarnaque, mais ce sera national-socialisme entre mensonges et vérité, quelque chose comme ça. Et donc, ça racontera toute l'histoire, parce que En fait, si je peux prendre deux minutes pour m'expliquer, oui, là, hein, c'est que tout simplement, j'ai remarqué une chose, c'est qu'on ne peut, pas dissocier le révisionnisme de l'histoire de l'Allemagne. Parce que, à un moment, il y a toujours, les personnes posent toujours la question, mais pourquoi Hitler a-t-il voulu, à partir de 1941, déporter les Juifs à l'Est, si ce n'était pas pour les exterminer? Et si on ne raconte pas toute l'histoire depuis le début, on ne comprend pas pourquoi Hitler était anti-juif, et on ne comprend pas non plus pourquoi l'opposition entre les Juifs et Adolf Hitler s'est accrue de 1933 à 1941, jusqu'à ce qu'en 1941, ils disent maintenant, vous me les envoyez à l'Est et on verra ce qu'on en fait à la fin de la guerre, et peu importe ce qui se passe entre les deux. Voilà. Donc, au départ, je ne voulais faire que la série révisionniste. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, je me disais, oui, mais si je dis ça, il faut expliquer ce qui s'est passé un peu avant. Puis, si je veux expliquer ce qui s'est passé un peu avant, il faut que je remonte. Et puis, de saut dans le passé en saut dans le passé, finalement, je suis revenu à tous les travaux que j'avais déjà faits, qui remontaient donc en gros aux causes de la guerre de 1914, enfin aux causes immédiates, bon ça se fait assez rapidement, mais surtout après, tout débute à Versailles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ma thèse, c'est que le drame des Juifs, je parle du drame pour prendre la phraséologie officielle, mais ça commence à Versailles, en fait. S'il n'y avait pas eu Versailles, il n'y aurait pas eu Hitler, et il n'y aurait sûrement pas eu tout ce qu'il y a eu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire, on ne peut pas traiter le révisionnisme, aujourd'hui, maintenant, sans traiter toute l'histoire depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 1918, le traité de Versailles imposé, et tout ce qui s'est suivi. Alors, le professeur Forisson, ayant fait œuvre de brise-glace, lui, devait ne s'intéresser qu'à la question de l'Holocauste, même des chambres à gaz. Parce que quand on est un brise-glace, on est obligé, on ne peut pas se disperser. Parce qu'il faut très très bien, au départ, maîtriser son sujet. Quand on sait qu'on va avoir tout le monde contre soi, il faut vraiment très très bien maîtriser. Mais je pense qu'il a fait un travail extraordinaire, naturellement. Il a rempli sa mission. Et maintenant, la suite qui va être assuré par les jeunes générations, hein, par moi, puis ensuite par ceux qui vont venir après, et bien la suite, justement, elle consiste à raconter l'histoire à partir de 1914, plus exactement 1918. Donc, je pense que ce sera une série à partir de septembre prochain qui comptera à peu près une vingtaine de tomes. Alors, ce ne seront pas des tomes de 500 pages, hein, mais ça va commencer du début, et de tome en tome, on va expliquer le développement et on parlera aussi de l'Anschluss, de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, de la déclaration de guerre des associations juives à Hitler, de la suite, etc. Donc on va faire tout un projet qui ira donc de 1918 à 1945 avec y compris un peu du procès de Nuremberg. Voilà, donc ce sera la grande série que des gens attendaient de ma part depuis des années, en me disant « mais pourquoi vous n'écrivez pas ?» Eh bien, parce que je n'avais pas le temps, ou je ne prenais pas le temps, d'ailleurs, c'est beaucoup par ma faute. Et donc là, maintenant que je suis bloqué et que j'ai plus rien à faire d'autre, je le fais. Voilà, c'était l'explication donc pour ce qui paraîtra à partir de septembre. Et dernière chose, maintenant, dans quelques semaines, il y aura mon nouveau livre sur Oradour, 25 ans après le premier, parce que le premier date de juin 97, donc 25 ans après, fin mai 2022, il y aura mon nouveau livre sur Oradour, qui n'est pas la réimpression du premier, parce qu'en 25 ans, eh bien, beaucoup d'éléments sont sortis qui, à 95%, ont confirmé mes thèses, des éléments qui sont même sortis de la part d'auteurs complètement orthodoxes, que j'ai patiemment collecté et j'ai mis tout ça en forme, donc ça va paraître maintenant d'ici très peu de temps. Et là d'ailleurs, juste avant l'émission, j'étais en train de mettre en page le livre. Voilà, donc ça c'est pour très très bientôt. C'est très intéressant que tu pointes du doigt Oradour. C'est un sujet, évidemment, dont on sent toute la toute l'importance, puisque en cette période d'élection, et c'était déjà vrai lors de scrutins précédents, d'aller à Oradour, donc il y a souvent des déplacements présidentiels là-bas, toujours pour réactiver, bien sûr, hein, la mythologie antifasciste. J'ai presque, je sais même pas si on n'est pas même dans la démonologie à ce stade. Donc, parce que c'est quand même au niveau du scénario officiel, c'est parfait, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est les démons casqués allemands SS qui jettent les bébés dans les flammes d'une église. Alors, je veux dire, ça colle totalement aux représentations, je veux dire, médiévales de l'enfer. Donc, c'est sûr que ça frappe l'inconscient collectif. Et quiconque regarde de plus près et trouve des choses qu'il ne devrait pas trouver au titre de l'orthodoxie, évidemment, est un empêcheur de diaboliser en rond. Et je suis très curieux de voir les nouveaux éléments, Vincent, que tu pourrais apporter, alors que ceux que tu as déjà apportés sont quand même, à mon sens, très concluants. Notamment sur les mensonges hein, de la version officielle, c'est-à-dire par exemple que la ville de Radour n'abritait aucun résistant, qu'il n'y avait pas d'activité, on va dire, partisane, armée sur son territoire, ce qui est faux, on le sait, c'est faux, et encore d'autres contre-vérités, des mensonges éhontés, etc. Donc je pense que c'est plus que jamais vital, et comme on est au second tour, et c'est ce que je disais, hein, souvent les déplacements présidentiels sont conditionnés par les élections, et souvent avec l'envie de pointer du doigt ce qu'ils appellent l'extrême droite, ou les gens, enfin, ou disons leurs opposants politiques, qu'ils ont envie d'associer à l'extrême droite et au national-socialisme. Voilà, donc je crois que quelque part, au Radour, ça sera toujours d'actualité. Et j'en termine avec ce qui vient de se passer dans la banlieue de Kiev, notamment dans la localité, enfin dans le quartier, je crois que c'est un quartier, une commune de Boutcha, et tout le torrent médiatique hein, qui a été généré par ça. L'association a été faite dans les médias français. Ils ont dit, voilà, ça c'est l'Oradour ukrainien. Ça a été présenté comme ça. D'ailleurs, Bernard Lévy, me semble-t-il, a fait l'association directement. Il a dit, voilà, ça c'est l'Oradour ukrainien, donc il y a une continuité hein, en termes de traitement médiatique, de narratif. Alors, peut-être quelque chose là-dessus, éventuellement. Il est évident que Oradour est devenu justement, en effet, tu as tout à fait raison de pointer cela, c'est que dès qu'il y a un village assassiné, entre guillemets, c'est toujours, c'est un nouvel Oradour. Ou même, d'ailleurs, des gens qui critiquent les crimes de la Révolution, notamment en Vendée, nous disent les révolutionnaires en Vendée ont fait des dizaines d'Oradour. Donc Oradour est devenu un symbole, hein, le symbole de la barbarie. Alors c'est la barbarie nazie, et puis après ça peut être la barbarie russe aujourd'hui, demain ce sera la barbarie chinoise, s'il y avait des choses au Tibet, je sais pas, enfin peu importe. C'est toujours la même chose, c'est que ça devient symbolique, et en effet c'est toujours associé à... voilà où mène l'extrême droite. Même s'il n'y a pas de guerre, c'est la haine, et la haine, on la voit, elle explose à des moments. C'est très important. Et alors, lorsqu'en 2020, il y a eu le fameux graffiti révisionniste sur le centre de la mémoire d'Oradour, graffiti qui me mentionnait nommément, hein, en disant « village menteur, Vincent Renoir a raison », ce qui est très intéressant, c'est de savoir que les associations juives sont montés au créneau en disant Auschwitz et Oradour, c'est la même chose. Ça ne doit pas pouvoir être contesté, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris la solidarité qui existe entre tous ces mensonges de guerre. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai retrouvé un article dans un organe de presse de 1945, où déjà, c'était un organe d'ailleurs qui était juif, où déjà on parlait d'Auschwitz et d'Oradour. On dit, et l'auteur disait, Auschwitz et Oradour doivent être la mémoire de ces crimes doit être conservée afin d'éradiquer et d'interdire le national-socialisme non seulement en Allemagne, mais dans tous les pays aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que dès 1945, il y avait déjà une exploitation politique liée des deux phénomènes, enfin des deux mensonges historiques. Et ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, j'en parle dans mon nouveau livre de toute cette exploitation politique. Et je me souviens que dans un livre qui s'appelait Oradour, 60 ans après, la mémoire face à l'outrage, qui était donc un livre qui était contre moi d'ailleurs, hein, même si, oui, j'étais cité d'ailleurs, les auteurs à la fin disent que celui qui est maître du récit reste en gros le maître politique. Ils le disent carrément, hein, ce n'est pas caché. Ils disent, en fait, la mémoire a des enjeux politiques. Ils disent que celui qui détient le récit peut faire un remodelage de la mémoire plus ou moins orienté. Donc ça veut bien dire que lorsque vous êtes maître du récit politique, vous fabriquez une mémoire comme vous le voulez, et grâce à ce que j'ai appelé moi toujours l'analogie-déduction, c'est-à-dire qu'on juge le présent à partir du passé, et c'est le fameux slogan « on sait où ça a mené, plus jamais ça », eh bien, tous ces problèmes du passé, en fait, sont très actuels. Et les gens qui disent « c'est du passé, tout le monde s'en moque », alors, c'est pas entièrement faux, c'est-à-dire que il est évident que les gens ne pensent pas à Oradour et à Auschwitz tous les jours. Mais dans des moments cruciaux, comme par exemple une élection politique, donc une élection qui est un événement politique, eh bien ça ressort immanquablement. Et d'ailleurs, regardez dans leur tribune, les 500 artistes qui ont signé une tribune contre Marine Le Pen disent que Marine Le Pen ne correspond pas du tout à la France résistante. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout de suite une référence au passé. Et après, ils disent bien que derrière le discours policé, il y a toujours la même idéologie. Sous-entendu, l'idéologie fasciste dont on sait où elle a mené. Et on est toujours dans cette dialectique. Alors, avec Marine Le Pen, ça marche beaucoup moins. C'est exact. Mais il n'empêche qu'il y a toujours ce poids, cette chape de plomb qui est là. Alors, naturellement, je dis bien qu'il y a beaucoup d'autres combats que démocratie participative d'ailleurs assure, avec raison, hein, et que d'autres groupes, des groupes identitaires ou des groupes mènent aussi avec raison, mais je pense qu'il ne faut pas en effet mépriser le combat révisionniste qui a son importance et qui aura toujours son importance. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que moi personnellement je continue toujours dans cette voie-là et que je vais sortir ces livres bientôt. Et puis, je prends juste encore une minute pour dire qu'il va aussi sortir. J'ai fait un troisième livre aussi, suite à une querelle amicale, mais enfin une querelle que j'ai eue avec Rivarol. Donc là, qui c'est un livre plus personnel, c'est sur les raisons pour lesquelles j'ai évolué en matière de religion, et notamment les raisons pour lesquelles j'ai perdu ce qu'on appelle la foi catholique. Puisque je sais que j'ai été assez attaqué sur de ce point de vue-là, parce que bon, je m'en étais expliqué. Donc, j'ai rédigé un livre qui fait 400 pages, hein, c'est un livre assez complet, sur les raisons qui font que j'ai perdu la foi et j'ai évolué. Voilà, c'est un livre qui n'attaque pas. C'est pas un livre du tout vindicatif contre le catholicisme, mais c'est un livre qui explique les difficultés que j'ai trouvées dans le catholicisme et que je n'ai pas résolues. Voilà. Alors, il paraîtra aux éditions Critias. C'est un ami qui les tient. Et normalement, il devrait paraître à la fin du mois. Alors, là, c'est un autre sujet. Je comprends qu'on puisse dire non, ça m'intéresse pas parce que la religion reste du domaine de la vie privée. Ça doit rester dans la sphère personnelle, il ne faut pas se disputer là-dessus. Oui, c'est vrai, je conçois que l'on puisse penser comme ça, mais comme je sais que je suis souvent dans les milieux catholiques, notamment catholiques dits traditionnalistes, je suis attaqué, et je ne leur en veux pas d'ailleurs, hein, c'est normal d'ailleurs qu'ils me reprochent mon apostasie. Ben, j'ai voulu m'en expliquer, et expliquer pourquoi il y a des difficultés. Moi, j'ai trouvé des difficultés là-dedans. Voilà, donc ce sont mes futurs projets éditoriaux. Donc le premier, ça va être donc le pourquoi j'ai perdu la foi. Ensuite, il y aura Oradour et ensuite, il y aura la grande série sur l'histoire de l'Allemagne, donc de 18 à 44, à 45. Voilà. Merci Vincent. Je précise que Derek nous fait le plaisir de nous rejoindre. Salut Derek, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la pêche. Oui, oui, salut Gandalf, je ne sais pas si on m'entend correctement. Si, si, très très bien. Si, si, ça va, pas de problème. Très bien. Alors messieurs, je vous propose de remercier d'abord nos donateurs hein, avant d'entamer l'émission. Comment dire, vous pouvez nous soutenir en nous faisant des dons par crypto-monnaie, en utilisant Monero, qui garantit, comme vous le savez, l'anonymat des transactions. Donc nous avons donc tous ceux qui nous font des dons, qui nous envoient pas de courrier, nous vous remercions bien évidemment. Grâce à vous, l'action peut se poursuivre sous la pression, puisque vous les constamment censurer, etc. Mais grâce à vous, c'est possible. J'ai un courrier cette semaine d'un donateur qui a tenu à nous écrire pour nous dire qu'il nous avait fait un don. Si vous nous faites des dons et que vous souhaitez qu'on vous remercie à l'antenne, et c'est bien normal de le faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse email que j'ai donnée en début d'émission. Alors là, c'est Cameron Gaz qui nous écrit la chose suivante. « Chers camarades démocrates, je vous fais parvenir ce mois-ci mon don de 0,2 Monero, étant de plus en plus familier avec l'utilisation des cryptos, grâce au bon conseil de démocratie participative, je m'organise désormais pour mensualiser mes dons. Je vous renouvelle mes remerciements pour tous vos bons conseils et pour le combat d'avant-garde que vous menez sans faillir. Actuellement plongé dans la lecture du Soldat oublié de Guy Sagère, ah oui, c'était une référence qu'on avait conseillée, j'en recommande la lecture à tous les démocrates. Salut à la victoire !» Merci Cameron Gaz, encore une fois, merci à tous nos donateurs, et effectivement Guy Sagère qui nous a quittés il y a peu, a laissé cet ouvrage incontournable, Le Soldat oublié, j'en recommande une nouvelle fois la lecture, vous ne la regretterez pas. Alors messieurs, je vous propose de commencer avec la première rubrique de cette émission, Courrier des lecteurs, hein, c'est du témoignage tel que je les apprécie, donc on va plonger hein, dans la vie quotidienne, et là nous avons un auditeur qui était tout simplement assesseur lors du premier tour des élections, et il a tenu à nous faire partager son expérience, et je l'en remercie. Alors, bonjour à toute l'équipe de DP. Je vous avais écrit il y a plusieurs mois concernant mon expérience colorée et parfumée comme employé dans un fast-food. Oui, oui, on s'en rappelle très très bien de ça d'ailleurs. Toujours étudiant dans la même grande ville, mais maintenant au chômage, je me suis porté volontaire pour être assesseur bénévole lors des élections présidentielles et je viens vous faire part de cette expérience. J'ai été affecté dans mon bureau de vote de secteur dans un quartier massivement cosmopolite. Dès mon arrivée, au petit matin, j'ai senti que c'était une mauvaise idée d'être venu. J'avais à mes côtés un homme soja, à lunettes, dans les 1m75 pour 50 kg, habillé comme un plouc en jean trop large, avec une barbichette, probablement un écologiste, ainsi qu'un boomer d'1m50 pro Pécresse, avec la même voix que Gilles William Goldnadel. Oui, c'est pas flatteur pour le coup. Avec ces deux-là, il y avait l'habituel rombière employé de mairie dans sa fin de cinquantaine. J'ai vu défiler des centaines d'électeurs, tous plus cons les uns que les autres. Alors je précise que ce témoignage, vous, si vous étiez fâché avec la démocratie, je suis sûr que vous allez vous réconcilier avec le principe démocratique et le principe du suffrage universel, j'en suis convaincu. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne savent pas comment voter, et je parle bien de blancs de plus de 40 ans. Certains abrutis viennent directement devant l'urne avec leur enveloppe et leur bulletin. Il faut donc expliquer à Nicolas, 51 ans, qu'il faut obligatoirement passer par l'isoloir et prendre au moins deux bulletins différents s'il veut valider son vote pour Macron. Mais comme vous pouvez vous en douter, une grande partie de l'électorat est d'origine étrangère et plus précisément d'un continent que vous connaissez trop bien. Des bougnoules, énormément de bougnoules, mais aussi des nègres, bien sûr. Cela vous surprendra sûrement pas, mais beaucoup d'entre eux n'arrivent même pas à trouver la fente de l'urne pour y glisser leur enveloppe. C'est totalement véridique, je n'invente rien. J'étais obligé de donner des indications orales avec mes mains comme... Plus haut, madame, non, pas ici, arrêtez d'insister, vous allez abîmer l'enveloppe, ou dans la fente au milieu de l'urne, s'il vous plaît, suivez mon doigt. Bien sûr, quand on leur demande de signer la feuille d'émargement, ils signent systématiquement la mauvaise case, alors que je prenais bien soin de dire « signez ici, dans cette case », en pointant cette dernière avec mon doigt. Cela m'a rendu fou au bout d'une heure, et j'ai dû faire un tour dehors pour souffler. Les Blancs ne sont pas en reste. Je trouve effrayant le nombre de personnes disposant du droit de vote et dont le QI, donc le quotient intellectuel, ne doit pas dépasser les 75 points. Je devais également faire preuve de calme et de sang-froid à chaque fois que je voyais des boomers masqués voter, c'est-à-dire un électeur sur deux en moyenne. J'ai personnellement voté blanc, juste cette histoire d'avoir un tampon sur ma carte électorale. Les scrutateurs sont recrutés parmi les électeurs au fil de la journée. Au moment du dépouillement, nous nous sommes retrouvés avec des tables de scrutateurs entièrement composées de femmes, avec négresses et beurettes dans le lot. Vous n'imaginez pas le sketch, elles étaient toutes littéralement mortes de rire à chaque bulletin dépouillé, et ce pendant toute la durée du dépouillement. Ce moment a été particulièrement difficile mentalement pour moi, car comme vous pouvez vous en douter, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec 53% des voix et Macron a suivi avec 20% des voix. Je serrai la mâchoire tellement fort que j'ai failli m'en casser les dents. Je suis censé être assesseur pour le second tour, mais je pense me désister. J'espère que ce témoignage sera utile lors d'une émission prochaine. Merci encore à toute l'équipe et c'est signé Charles. Merci à toi, cher Charles. Alors, vous avez, bon voilà, hein, c'est la démocratie en action, hein, on y croit tous très très fort. Qui voudrait réagir sur cette... alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments hein, là dans ce qu'on voit. C'est la démocratie en théorie et en pratique, d'une part. Et deuxièmement, bah en fait, le premier tour dans les zones complètement remplacées, c'est-à-dire donc là pour le coup le résultat effectif de ce scrutin en particulier. Alors, c'est-à-dire que oui, Jean-Luc Mélenchon a eu la majorité dès le premier tour, c'est ça dans son coin. C'est ça, c'est... exactement, oui. Non, ben bah, oui, ça préfigure d'une démocratie. Enfin, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans ces coins-là, c'est-à-dire qu'avant ils ne votaient pas, hein, ils s'abstenaient, et dans le 93 notamment, cette année hein, en particulier, ils ne se sont pas abstenus, ils sont allés voter massivement et ils avaient le phare, quoi, hein, le phare Mélenchon, ils se sont tous rués dessus. D'où son score assez élevé hein, au premier tour. Il l'a emporté au premier tour hein, dans le 93. Hein. Oui, oui, dans le 93. Voilà, c'était le roi de la population locale. Quoi, hein, le roi nègre. Le roi des bouillons. Voilà. Le potentat local. Oui, bon, c'est à voir ce qu'ils feront au second, mais si. Si j'avais un conseil à donner à notre ami, ce serait effectivement ouais, de faire attention là où il se trouve. Ça fait très ambiance pré-indépendance de l'Algérie, quoi, si tu veux. Mais remarquez... Oh, pardon. J'allais dire, de toute façon, en général, là où ça vote Mélenchon, c'est pas très sûr comme coin. Hein. Vincent. Oui, moi je disais, je me demande à quel point, si en 5 ans la tendance se confirme, avec toutes les inconnues qu'il peut y avoir naturellement, hein, mais ce serait pas, Mélenchon serait pas un espoir. Je m'explique. Attention, c'est pas Mélenchon lui-même qui serait un espoir, mais imaginez qu'au deuxième tour, il y ait un Mélenchon contre un candidat d'extrême droite, ce qu'on appelle l'extrême droite, hein, un candidat nationaliste. Eh bien, on en reviendrait à un peu à la situation de l'Allemagne dans les années, fin des années 20. C'est-à-dire que là, tous les possédants, tous les gens qui sont de ce qu'on appelle, nous, des fois, la droite molle, ne voulant sûrement pas de Mélenchon, et par peur de voir une sorte de communiste au pouvoir, seraient obligés de voter nationaliste. Et on arriverait à une radicalisation totale de la vie politique très rapidement. Et je me demande si ce serait pas un espoir qu'il y aurait justement de que la société bouge enfin. Alors naturellement, encore une fois, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce que dans 5 ans Mélenchon sera là ou un candidat équivalent? Est-ce que la droite nationale sera là avec un candidat qui, dont on espérait qu'il soit peut-être un peu plus représentatif que Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y aura pas toujours un candidat du système libéral? Je ne sais pas. Mais le fait qu'en effet la population immigrée vote davantage Mélenchon, et lui donnant donc une sorte de pouvoir, enfin de force politique, sachant qu'il y aurait toujours en face des nationalistes, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose de complètement imprévu dans 5 ans, voire même avant. Voilà, c'était une réflexion que je me faisais, moi, quand au soir du premier tour, je voyais cette montée en puissance de Mélenchon. Je disais, s'il n'y avait pas eu Emmanuel Macron, eh bien, là, on serait dans une radicalisation totale de la vie politique. Oui, puisqu'au final, il ne reste plus qu'Emmanuel Macron qui représente le camp de la raison, hein, entre guillemets. Exactement. Hein, s'il n'y avait pas lui... Oui. Je vous en prie. Non, je vais dire, effectivement, c'est le dernier rempart. C'est-à-dire que les partis ont sauté. Il y a eu le PS d'abord. Il y a eu l'UDF qui s'est mêlé à Macron. Enfin, l'UDF, l'ancien parti de Bérou, le Modem. Bon, eux, ils ont choisi le bon cheval... avant les autres. Le parti gaulliste fait, je crois, moins que le score de comment s'appelle-t-il, Nicolas Dupont-Aignan à l'élection précédente. C'est équivalent, en fait. C'est ridicule. Il n'existe plus. Voilà. Le parti de la droite bourgeois a fait moins de 5%. Donc, tous ces gens-là se sont regroupés sur Macron, qui, lui, bon... doit mêler des gens qui se détestent, enfin doit faire en sorte que, enfin, que tous ces gens-là aient une certaine cohésion. C'est le dernier rempart. Vous avez raison. C'est le dernier rempart. C'est-à-dire, si il s'écroule, on arrive à une politique radicalisée. Et là, les gens n'auront plus le choix. Ce sera comme en Allemagne. Il va y avoir, qu'on le veuille ou pas, un entraînement entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et là, à ce moment-là, ça risque d'être intéressant. Et personnellement, c'est mon espoir. C'est mon espoir dans 5 ans. Encore une fois, avec toutes les inconnues, d'ici 5 ans, il s'en sera tellement passé. Mais, comme je dis toujours, l'histoire est le théâtre de l'inconnu. C'est pas de moi, d'ailleurs, cette phrase, mais l'histoire est le théâtre de l'inconnu. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se désespérer en disant, ben voilà, c'est fichu. Non, c'est jamais fichu. Il peut toujours y avoir des évolutions de situation très rapides et qui étaient totalement imprévues. Mélenchon, c'était imprévu au départ. Moi, personnellement, j'ajouterais un autre truc, c'est que mine de rien, c'est pas les élections en soi qui sont intéressantes, c'est plutôt ce qu'elles mettent en avant, c'est que justement, dans les villes, vous avez, en fait, voilà, pour faire simple, en gros, on est dans une configuration où les centres-villes, avec les gagnants de la mondialisation, ils votent Macron. Autour, vous avez leurs serviteurs, tout ce qui est Bougnoul, Nègre, et dans les banlieues, et ça vote Mélenchon. Et vous avez dans les campagnes, les Français qui votent Marine et Zemmour. Et mine de rien, c'est un certain indicateur, et moi je trouve que c'est assez positif de voir que, mine de rien, dans les campagnes, ça continue à cultiver sa dissidence vis-à-vis de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que c'est une analyse je partage cette analyse. C'est la tendance, c'est pas les élections qui, vous avez raison, hein, qui sont importantes. C'est cette tendance que les élections révèlent. Alors, il y a ce point-là, hein, c'est bon, on va parler un petit peu des clivages qu'il peut y avoir. J'en parlais avec Gandalf dans la semaine. Il y a des sondages d'opinion qui se font, et il y en a un qui est très parlant au niveau générationnel. On parlait des boomers tout à l'heure. Le sondage montrait que les 15-24 ans et les plus de 60 ou 65 ans, hein, en gros, les 18-24. Plus de 70 ans. Les 18-24. Ouais, les 18-24 et les retraités, surtout les retraités voteraient à masse pour Macron. Et bon, comme ce sont eux les plus assidus aux élections, ils ont cette, cette capacité de nuisance. Mais en fait, oui, on voyait bien que la population active, les gens qui créent de la richesse et qui payent pour tout le monde, n'ont pas leur destin en main, parce qu'eux, ils voteraient le contraire. C'est-à-dire qu'ils iraient en majorité vers Marine Le Pen au second tour. C'est ce que j'avais appelé l'esclavage moderne. Hein. Ou alors une espèce d'ancien régime qui ferait son retour, mais bon, l'ancien régime qui a un petit goût de fer aussi. Hein. Il y a un parfum assez spécial en ce moment. Enfin, oui, c'est l'époque, hein, on va dire. Il y a une analyse qui est reprise beaucoup d'ailleurs, même j'ai entendu d'ailleurs des gens du RN la reprendre à leur compte. Certes, à peu de frais, mais elle est pertinente. C'est celle de ce sociologue qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie, que j'ai déjà cité dans l'émission, qui est un sociologue de gauche, qui a d'ailleurs accordé une interview dans Marianne. Bon, Marianne qui est quand même pas un journal très, très, très sulfureux, mais qui trouvait que l'analyse qu'il portait sur la situation, enfin la recomposition sociologique et politique de la France se traduisait vraiment de manière éclatante dans ce suffrage en particulier. Et qu'est-ce qu'il disait? Alors lui, il dit voilà, bon, c'est sa formule, bloc élitaire contre bloc populaire. Est-ce que c'est... Bon, est-ce qu'on joue sur les mots? Est-ce que c'est le bloc bourgeois contre la base, etc. Bon, chacun cherchera le terme qui convient. Mais son analyse recoupe aussi en partie... qui s'inscrit plutôt dans la longue durée de Jérôme Fourquet, que j'ai souvent cité dans l'émission aussi, je prétends pas être original, puisqu'il est cité partout, mais d'une certaine manière a raison, même si Fourquet insiste plutôt sur la dimension culturelle. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est l'hétérogénéisation de l'espace français sur une base évidemment ethnique, pas que, mais notamment ethnique, et que cette hétérogénéité confère beaucoup d'instabilité dans le processus politique. Alors là, on est dans un moment où il y a trois pôles. Hein, voilà. Il y a un pôle mélenchoniste très fortement immigré. Et je regardais les débats internes dans la galaxie mélenchoniste. Parce que c'est une galaxie très composite. Où vous avez des objets politiques très bizarres. C'est-à-dire vous avez des laïcardures et vous avez des quasi-islamistes revendiqués. D'accord ? Donc, si vous voulez, c'est un agrégat de gens avec des intentions, des projets radicalement différents, voire parfois en totale opposition, mais dont la détestation pour le système en place est telle qu'ils acceptent de se fédérer autour de Mélenchon le temps d'une élection. Et alors, comment dirais-je, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une évolution qualitative dans la proposition politique de Mélenchon, qui a consisté, et c'est pas Mélenchon qui a voulu le faire, il n'a pas été moteur, mais il l'a intégré. L'impulsion est venue des segments qui sont habituellement qualifiés d'indigénistes, ce qui est une folie, puisque ce ne sont pas des indigènes, ce sont des allogènes. Donc en fait, les allogénistes, qui exaltent leur origine raciale, essentiellement des Noirs d'Afrique, des maghrébins musulmans très revendicatifs, la plupart du temps, eh bien, ces gens-là ont fait pression au sein de la galaxie mélenchoniste pour intégrer toute une série de thématiques, notamment la question de l'islamophobie. Et alors, si vous suiviez, un peu avant l'élection, hein, si vous suiviez les figures des orthodoxes de la laïcité, qui sont généralement qui sont pour ainsi dire, si vous voulez, des relais du CRIF, quoi. C'est des gens comme c'est le Printemps républicain de Valls, c'est des gens de la DICRA, hein, on les connaît, hein, c'est Frédéric Potier, etc. Ces mecs-là étaient convaincus que Mélenchon allait disparaître électoralement, que sa drague des musulmans, sa participation à la manifestation contre l'islamophobie, entre guillemets, à Paris, en compagnie d'islamistes avérés ou des frères musulmans, ils étaient certains que ça allait enterrer électoralement Mélenchon. Ils disaient, voilà, c'est pas possible qu'électoralement ça marche. Impossible. Le pari des allogènes au sein de la galaxie mélenchoniste, c'est exactement l'inverse. Et bah, le verdict est venu avec les urnes. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui d'habitude, enfin des halogènes, des maghrébins, des noirs d'Afrique, etc., qui d'habitude restent chez eux, aller en masse voter. C'est rentré en résonance avec une population qui ne s'intéressait pas aux élections parce qu'en gros, c'était un truc de blanc. C'était un truc de blanc, les élections, ça ne les intéressait pas. Maintenant que Mélenchon a utilisé toute la rhétorique, en gros, de Marouane Mouhamad, du CCIF et tout, c'est-à-dire il a repris ça à son compte, pas lui-même, mais on lui a dit, écoute, faut le faire, c'est tout, il n'y a pas 36 solutions. Il a dit d'accord. C'est-à-dire que Mélenchon a fait de la tactique. Ça a payé. Ça a vachement payé. Et bah le résultat est là. C'est-à-dire qu'il arrive en Seine-Saint-Denis, dans le 93, je veux dire, en tête au premier tour. Mélenchon est le patron de la Seine-Saint-Denis. À partir du moment où il a fait campagne sur l'islamophobie. Vous comprenez ? Donc là, quand vous regardez ça, la laïcité, c'est fini en France. C'est terminé. La loi 1905 et compagnie, bon, on va pas en faire beaucoup. Les autorités vont pas faire beaucoup de bruit autour de ça. C'est fini. C'est terminé. Et encore plus révélateur, le soir même du premier tour, qui Macron appelle ? Mélenchon. Par SMS, il n'a pas appelé de vive voix, mais par SMS, il lui dit, voilà, est-ce que... Je traduis, hein, parce qu'on est là pour se parler franchement. Est-ce que tu peux faire voter les bougnoules pour moi ? Et Mélenchon, il a dit, il va falloir donner des signaux. Il n'a pas dit non, hors de question. Il a dit, il va falloir donner des signaux. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé ensuite. Probablement un coup monté, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est du théâtre, hein, les gens qui savent. Même le Ruffin... Les mecs qui pensent que Ruffin est une espèce d'idéaliste de gauche, c'est ça. Non, c'est tous ces mecs sont des professionnels du montage médiatique. Ruffin a été enregistré de vive voix lors d'une réunion avec Macron quand il était encore ministre de Hollande. Donc c'était une réunion entre lui, Ruffin, donc de la France insoumise, et Macron, en train d'organiser un faux clash. Qui quoi qu'est sur l'avenir d'une usine, machin, Ruffin voulant passer comme l'opposant numéro un contre les fermetures, Macron disant bon ben moi je veux bien te donner ce que t'as besoin, etc. Puis derrière je mets un peu de pognon quand même pour l'usine, etc. Tout le monde est content. C'est des professionnels ce genre de coups médiatiques, d'accord. Ils sont tous cul et chemise. Ruffin, Mélenchon, Macron, c'est les mêmes mecs. Alors, ils n'ont pas les mêmes clientèles, mais ils appartiennent au même système. Ils sont tous d'accord pour s'assurer que le statu quo, fondamentalement, ne change pas. Et comment dire, Macron se retourne vers Mélenchon et lui dit « J'ai besoin des voix des bougnoules. » Je parle crûment, mais il faut parler franchement. Et là, Mélenchon lui dit « Il va falloir envoyer des signaux. » Et on a cette rencontre avec une mouquère voilée qui se dit, alors ça c'est le en même temps islamiste en fait, elle est à la fois voilée et féministe, tu vois. Donc en fait elle est faite pour s'entendre avec Macron. Et Macron lui dit, mais c'est très bien des gens comme vous, blabla. Et comment dire, il fallait la séquence a été filmée, et on a là-dessus le rabbi laïque Raphaël Enthoven, qui déclarait il y a encore quelques mois, sur I24, donc Israël 24, qu'il était impossible d'être voilé féministe, expliquer sur Twitter, ah oui, on peut absolument être féministe et voilé. Pourquoi ? Bah, si on vote Macron, on peut être féministe et voilé. Voilà, ça dépend pour qui on vote. Donc, tout ce théâtre-là est mis en place, et donc, on voit, et j'en termine, qu'est-ce qui se passe ? Bah, Macron, en fait, devient, en tant que candidat, j'allais dire, du centre, l'otage des dynamiques ethniques et raciales et confessionnelles par voie de conséquence. Voilà. Et il ne va pas vers la droite. Il ne va pas vers la droite, Macron. Hein. Il ne se dit pas au deuxième tour « Ah, il faut que j'aille chercher les voix à droite pour écraser Marine Le Pen. » Non. Il faut que chercher les voix à droite, il n'aura pas celle de Zemmour, c'est certain. Quoique, peut-être à la marge, un petit peu. Mais et puis bon, aller à la pêche aux voix de Pécresse, bon. Il n'y a plus rien, je suis d'accord. Oui, voilà. Voilà. C'est des petites sardines. C'est ça. Il faut bien aller chercher des voix quelque part. Donc là, Il y a trois camps, il y en a un qui n'est pas là. Ben, d'ailleurs, Marine Le Pen fait pareil. Hein. Bon, là, c'est peut-être plus à propos. C'est peut-être plus à propos que 5 ans auparavant, quand même. Oui, Marine Le Pen s'est retrouvée dans. Oui, parce que c'est la question de l'interdiction du voile dans l'espace public, bon, qui en fait est un artifice médiatique simplement pour permettre un peu à chacun de bien situer. Oh, c'est un prétexte. Oui, voilà, pour que chacun comprenne bien qui est où. C'est-à-dire que Macron trouve ça génial d'avoir des féministes voilées, c'est un objet politique que j'ai du mal à comprendre les contours. Et Marine Le Pen, bon, elle dit l'inverse, elle dit « moi, je veux interdire le voile dans l'espace public ». Bon, évidemment, Marine Le Pen n'interdirait pas le voile dans l'espace public. Pourquoi ? Bah, parce qu'il il faudrait qu'on change de régime de police. Oui, c'est le Conseil constitutionnel, voilà, le Conseil d'État, etc., etc. Voilà, mais il s'agissait de que chacun comprenne bien qui se situe où sur la question démographique, raciale, ethnique et religieuse. Et chacun a bien compris l'espace qu'il occupait, et donc, voilà, on a bien compris ça. Mais quand même, et ça c'est vrai, ça a été pointé par Sobieski, ça a été pointé par toi, Derek, aussi, c'est clair que, pour la première fois, nous avons un vote... un vote halogène en tant que tel. Alors avant, les gens disaient oui, non, mais les musulmans, ils ont toujours voté à gauche pour les allocations. C'est vrai. Mais pour la première fois, ce n'est pas simplement pour les allocs. Pour la première fois, c'est pour affirmer l'islam dans l'espace public. C'est complètement. Et surtout dans le champ politique. Ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que je vote Mitterrand, ou je vote Jospin, ou je vote Hollande parce que je veux m'assurer de pouvoir faire venir la famille et toucher mes allocs. Ça, c'est une chose. Mais je vote Mélenchon contre l'islamophobie, c'est complètement différent. Oui, ce que j'allais dire, c'est que j'ai relevé ça sur plusieurs analystes politiques, c'est qu'ils disaient... La question, c'est qu'est-ce qui va se passer après Mélenchon ? Donc, je suppose en 2027, hein, si ça a encore lieu, qu'est-ce qui va se passer après Mélenchon ? Parce que le type, il est quand même vieux. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, je pense que ce qui va se passer, c'est que les laïcars vont se faire bouffer par des islamistes. Et au final, on se retrouve avec un parti, une pastèque, comme on dit. Vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Voilà, plutôt, pour le coup, plutôt rouge à l'extérieur et vert à l'intérieur, à mon sens. Je ne suis pas sûr que Mélenchon jette l'éponge dans 5 ans, en toute sincérité. Ouais, parce qu'il faut quand même incarner. Et puis il a des lieutenants derrière. Je vois mal Clémentine Autain, si tu veux, incarner quoi que ce soit. Je pense qu'ils vont devoir trouver justement un candidat qui... Et je pense justement que ce sera un outsider, un type de l'ombre dans la France insoumise... Je pense plutôt d'ailleurs à un beau nul, quoi. Je veux dire, ça serait mais tout non, indiqué. La force de Mélenchon, si tu veux, c'est de pouvoir d'utiliser l'imaginaire du fonctionnariat blanc de gauche. Donc, de pouvoir convoquer Zola, convoquer Hugo, voilà. Convoquer la résistance, et tous ces trucs de vieux, en fait. Hein, mais qui, chez une certaine petite bourgeoisie un peu cultivée à gauche, est parlante en fait, voilà, ça, notamment chez les profs, ça parle, etc. Les Arabes savent pas faire ça, d'accord, ils ont pas ce truc, et puis même si tu avais un Arabe qui essayait, ça sonnerait faux. Et puis il faut quand même être d'accord avec la France, c'est-à-dire que même quand tu veux, si tu veux fonctionner dans ton camp, ils font quand même déborder de son camp, c'est-à-dire qu'il faut que ta voix porte au-delà de ton propre camp. Donc quand Mélenchon il s'exprime et qu'il utilise toutes ces figures-là, il y a peut-être des gens qui vont pas voter pour lui, mais qui vont quand même être sensibles à ce qu'il va dire. Je sais pas, il va utiliser une référence historique, ou je sais pas, la résistance, je sais pas, mais ça déborde. Ça lui donne une influence beaucoup plus large que son strict camp au plan électoral. Un arabe, tu vois, enfin un maghrébin, il doit être capable, si tu veux, de faire vivre dans l'imaginaire ce genre de figure. Donc il pourrait pas être sur des figures de style strictement islamo-islamique ou strictement communautariste, si tu veux. Il faut qu'il soit capable d'être plus ample dans sa surface médiatique. Mélenchon, il sait le faire parce qu'il a les références culturelles et parce qu'il est entre deux eaux. C'est-à-dire que c'est un Espagnol d'origine alors de nationalité française, enfin il est espagnol par sa mère, je veux dire, mais c'est quelqu'un qui est au carrefour de plusieurs influences qui lui donnent tous ces outils là. Donc c'est pas vraiment un français. Enfin, par son père, je crois que c'est par son père, mais je ne sais plus. Mais il est français de toute façon par la colonisation. Je veux dire, c'est un Espagnol qui était présent au Maroc, donc il a les codes culturels. C'est-à-dire qu'il sait parler aux Arabes, il s'identifie sincèrement aux Maghrébins, ça c'est clair, c'est quelqu'un qui s'identifie à ces gens-là. En même temps, il connaît l'histoire de France, ou du moins les segments de l'histoire de France qui l'intéressent. Et il a été formé chez les trotskistes, et surtout au Grand Orient de France. Donc c'est quelqu'un qui, intellectuellement, est capable de naviguer dans ces différents courants. Tu prends un arabe étant un arabe, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, parce que l'arabe, lui, il va très vite retomber sur ces histoires de FLN à la con, ça va être du Marwan Muhammad, ça va être du Boudjelal, ça va être nul, ça va tomber, il va dire ouais, putain, tu votes pas pour moi, t'es un raciste. Ouais, non, tu vas nulle part en parlant comme ça aux gens. Tu vois. Donc ils n'ont pas la puissance intellectuelle, ils n'ont pas la maîtrise des codes culturels. Pourtant ça fait un demi-siècle qu'ils squattent en France pour certains. Donc voilà. Donc Mélenchon, il a un accent terrible et les autres, il a pas l'ombre d'un concurrent. Donc peut-être que Mélenchon, il va trouver un successeur qui pourra assembler deux. Mais quand tu vois des gars, parce qu'il y a des mecs qui sont intéressés par la place, hein, je veux dire, tu vois un mec comme Corbière, très clairement, il est intéressé. Un mec comme le rouquin Quatennens, alors lui, ça c'est comique. C'est-à-dire que le mec pense pouvoir, mais il a juste pas compris qu'à cause de sa gueule de bolos et de rouquin, c'est juste racialement pas possible, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le type pourra pas. Il pourra pas pour une question raciale. C'est un rouquin dans les banlieues, c'est pas possible, quoi. Et Clémentine Autain, par sa condition de femme, ne pourra pas rassembler les islamistes. Hein. Ça pourra pas marcher non plus. Évidemment, voilà. Je pense surtout que c'est parce que c'est une gourde, hein, avant tout. Non, c'est une femme. Les musulmans, ils votent pour les femmes. Hein. Je te le dis. Hein. Ils ont raison, d'ailleurs. Mais je veux dire, non, ils votent pas pour les femmes. Donc voilà, bon là, c'est évidemment de la fiction, parce que là, on se projette. Mais il est absolument certain que ce à quoi on assiste, c'est la structuration, la sédimentation d'un vrai pôle politique, territorialement encore marginal, mais qui dispose de bases puissantes. Le 93, ok, voilà, bon, c'est là. Plus les élections vont passer, plus ça va se renforcer. Et comme vous avez... Pas que le 93, hein. Pas que le 93. Pas que le 93. C'est 20% sur le territoire national, donc c'est un peu partout. T'as des zones où il est... il a 30% dans beaucoup de zones, quoi. Bien sûr. Je voyais à Paris, et Paris, c'était entre lui et Macron, c'était de... Je crois que d'ailleurs, il est arrivé en tête, il me semble, hein, devant Macron. En Ile-de-France, en général. En gros, les deux tiers sont partagés entre lui et Macron. Aux deux, ils font 30%. Quoi. Ça, c'est hallucinant. Exactement. Donc, ce qu'avait annoncé Jérôme Fourquet dans son analyse, c'est-à-dire, voilà, je vois une France, ce qu'il avait appelé l'archipel français, mais il disait surtout dans ses prises de parole, il parle surtout de silos, c'est-à-dire des gens qui voisinent mais ne se parlent pas, qui ont des références culturelles parfaitement hermétiques entre eux et qui regardent en chien de faïence les populations d'à côté. Ça a vocation à structurer le paysage politique français et on va arriver dans une situation qui est ni plus ni moins que la balkanisation politique à la suite de la balkanisation ethnique. Tout ça qui a été annoncé depuis 40 ans par, le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais d'autres intellectuels de droite ou de ce qu'on appelle l'extrême droite ou identitaire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair, c'est de l'arithmétique, on le sait, mais là, on le voit se mettre en forme. Alors, dans 5 ans de plus, je ne sais pas s'il y aura un scrutin, d'ailleurs, on sera peut-être emporté par une autre catastrophe d'ici là, mais voilà, la dynamique, elle est en place. Et maintenant, et c'est ce que disait Vincent, et j'en termine pour ma part, on est dans une configuration maintenant où le centre, bah oui, c'est le dernier rempart, c'est ce que tu avais dit aussi, Derek, c'est le dernier rempart, bon, c'est Macron ou rien, alors ça dépend quand même beaucoup d'un homme, et attention, c'est quand même une classe qui s'unifie là-dessus, mais on voit que cette classe, bah, je suis désolé, après, il y a, en fait, comment dire, il y a le rapport de force relatif et le rapport de force absolu. Le rapport de force relatif, oui, c'est vrai que cette classe dominante, elle a les intellectuels, les journalistes, elle a les chefs d'entreprise, etc. Donc, autour de Macron, donc, ils ont l'ascendant sur la société. Donc, le pouvoir d'influence de cette classe écrase de beaucoup tous les autres. Mais en chiffre absolu, elle représente grosso modo un tiers de la population. Parce que, je ne sais pas quel sera le résultat du deuxième tour, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais indépendamment d'eux, quand on fera le total des voix qui se seront abstenues, des non-inscrits, de ceux qui auront voté blanc et de ceux qui auront voté Marine Le Pen, mais même en se contenant au premier tour avec ceux qui auront voté gauche radicale, droite populiste, c'est qu'en fait, le centre-gauche, le centre-droit, donc les partis qui traditionnellement organisaient la vie politique française, représentent un tiers du corps électoral, théorique. Donc maintenant, la France, elle est gouvernée par un tiers de la population. Ce tiers est puissant, mais il est minoritaire. Donc je pense qu'il ne faut pas s'étonner. Et en plus, ça se réduit. C'est-à-dire que par rapport à 2017, on va avoir un résultat qui, à mon sens, sera encore plus défavorable. Même si Macron l'emporte, sera encore plus défavorable en termes absolus pour ce bloc. Et comment voulez-vous qu'un tiers domine les deux autres tiers sans recourir à la censure, sans recourir à des lois d'interdiction, de surveillance, des mesures d'exception? Enfin, c'est évident que s'ils veulent se maintenir au pouvoir, ils vont devoir être autoritaires, c'est inévitable. Donc on va être, et on est déjà, moi je le vois d'ailleurs. Bah, ils vont devoir être encore plus autoritaires, voilà, parce que ça a quand même commencé là, hein, entre le changement de paradigme depuis le Covid et ce qui était préparé, enfin, ce qu'on a, nous on a subi déjà depuis quelques années maintenant sur Internet, hein, à être des SDF de l'Internet, à devoir changer de... Enfin bon, il y a des lois qui sont votées spécialement pour nous interdire, c'est assez marrant. Là, Emmanuel Macron exige la fin de l'anonymat, ouais, pourquoi, c'est pas, les gens disent des trucs entre eux, ça va pas, c'est... Oui, les gilets jaunes qui ont été quand même... Les gilets jaunes, les gilets jaunes. Donc, ouais, c'est clair. Ah, mais enfin, Macron, je sais pas vous, enfin, moi, il me fait... J'ai presque de la nostalgie de la période Hollande, si tu veux. Pour moi, c'était marrant, c'était assez bon, mais... Le pays, les choses se passaient assez tranquillement, hein, finalement. L'envahissement, c'était quand même moins fanatique que les cinq dernières années. C'était, enfin, Laetitia Avia, tout ça, on a quand même eu un sacré coup d'accélérateur. Ouais. Mais de toute façon, oui. Oh, pardon. Non, je voulais juste dire un truc, c'était que en fait c'est par rapport à ce que disait Derek, c'est juste que c'est l'oligarchie qui a décidé de finir le boulot, en fait, c'est tout. Hein. Vincent ? Oui, moi je disais que pour celui qui s'est intéressé à l'histoire de l'Allemagne, on s'aperçoit que depuis 1931 en Allemagne, on était dans un gouvernement autoritaire, parce que justement, c'était une toute petite minorité de centre qui gouvernait le pays. Il y avait déjà des interdictions de la presse, des interdictions d'association. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs fois j'ai rappelé que ce qu'a fait Adolf Hitler, c'est qu'il a, je dirais, codifié toutes les interdictions qui existaient déjà depuis 1932, voire 1931. Hein. Et je pense qu'en effet, quand on fait un parallèle, la France va arriver vers cela. Enfin, elle est déjà bien engagée. C'est-à-dire qu'on va arriver à une sorte de régime très autoritaire, puisque naturellement, quand une minorité gouverne, elle est obligée de tout contrôler. Et donc, il va y avoir un contrôle de plus en plus important sur Internet, dans les flux monétaires, dans tout ça, jusqu'à ce que ça ne puisse plus tenir. Et à ce moment-là, notamment, je pense que, alors peut-être que je suis trop obnubilé par l'histoire, mais il y aura des possédants qui, voyant que le navire coule, eh bien, soutiendront plutôt une droite nationale. Et c'est à ce moment-là que là, on va arriver à une bipolarisation. Le centre va définitivement s'effondrer et il y aura une bipolarisation entre, en gros, hein, pour résumer avec des mots simples, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et là, tout est possible. C'est à ce moment-là que l'aventure vraiment va commencer. Alors, Dieu sait comment elle va se terminer, hein, mais voilà. Ouais, c'est pas plus mal que les esprits s'échauffent un peu à droite fait. Comme à gauche. Hein, parce que... Moi, j'ai toujours été pour la politique du pire. Parce que de toute façon, c'est pour ça que moi personnellement, je revendique la non-dédiabolisation absolue. Alors, je me trompe peut-être, hein, je suis même pas mécontent qu'il y ait des gens qui essaient la voie de la dédiabolisation. Hein. Moi, je ne diabolise personne d'ailleurs. Mais personnellement, moi, en tant que Vincent Renoir, je suis pour la politique du pire. Hein, je veux dire, afin que ça s'échauffe, que tout pète, j'ai toujours dit, moi, il faut que ça pète maintenant. C'est comme un accouchement, il y a un moment, allez, il faut y aller, hein, c'est fini maintenant, on ne peut plus retenir. Et ben c'est ça, hein, je veux dire, peut-être que mon image est un peu déplacée, mais c'est ça pour moi. Entièrement d'accord, hein. Je ne suis pas pour vous messieurs, mais moi je veux Adolf Hitler. Et pour avoir Adolf Hitler, il faut qu'il y ait un traité de Versailles, une république de Weimar, il faut que ça bouge. Voilà, il faut passer par là. Il faut toucher le fond. Donc, allez, allons-y, touchons le fond. Je veux dire, c'est bon. Moi, on va pas attendre des années. C'est pour ça que politique du pire. Oui, en plus, si on va vers une balkanisation, j'ai envie de dire, ça pourra peut-être justement enclencher des mouvements de population blanche gauloise vers des centres, vers des aires névralgiques pour la sauvegarde du Gaulois. Et puis, avec un peu de chance, si la Providence est de notre côté, on aura peut-être, comme les Balkans, un équivalent d'un Karadzic en gaulois. Exactement. Et vous savez, quand on dit que le peuple dort, c'est vrai. Mais là, encore une fois, je me réfère aux périodes de l'histoire que je connais bien. Lorsqu'en mai 1940, il y a eu l'attaque allemande, qui a gardé son sang-froid dans des villes où toutes les autorités partaient, tous les maires, les conseillers municipaux, les médecins partaient, et bien la plupart du temps, c'était des petites gens. C'était des qu'on n'aurait jamais attendu là. Par exemple, dans un quartier à Paris, c'était une petite veuve qui a tout pris en main parce que toutes les autorités étaient parties et on se serait dit, mais ce sont des gens complètement banals. Et ces gens, soudainement, se révèlent. Donc, il est évident qu'en cas de crise absolue, on verrait des gens sortir de l'ombre sur lesquels on n'aurait rien misé. On aurait dit, mais c'est des petits Français moyens minables. Mais non, ils avaient un potentiel énorme que des grandes gueules, pardonnez-moi ma vulgarité, n'avaient certainement pas d'ailleurs. Hein. Donc, c'est pour ça qu'en cas de balkanisation, on verrait, et je suis tout à fait d'accord, des Gaulois sortir de leur torpeur et être capable de nous éblouir, complètement. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, non, tout est devant, c'est pas perdu. Oui, non, certainement pas. Je voulais enchaîner cette émission, poursuivre cette émission en parlant d'un sujet absolument crucial selon moi, qui fait suite à tout ce que nous avons dit. Et là, j'ai besoin de l'expertise de Vincent, c'est aussi pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui, parce qu'il connaît tout ça très très bien, et c'est, vous savez, l'anniversaire d'Adolf Hitler, et l'année, évidemment, nous avons une affection particulière pour le Führer, bien évidemment, en tout cas, pour ma part. Mais tout le monde sait que le national-socialisme a été, entre guillemets, jugé. J'estime que le national-socialisme n'a pas été jugé à Nuremberg, bien évidemment. C'est évident. Mais, en tout cas, pour les masses démocratiques, le national-socialisme est censé avoir été définitivement jugé, nous disent-ils, hein, définitivement jugé. Et alors, nous avons vu, à la faveur du conflit en Ukraine, d'une manière assez synchrone d'ailleurs, être convoqué tout le référentiel antifasciste au début, et ensuite l'autorité, encore très théorique à ce stade, d'une cour pénale internationale, d'un tribunal international théorique, pour juger, je cite, les crimes de Vladimir Poutine, mais pas seulement, des dirigeants russes, de l'armée russe, des partisans de la Russie. En faisant référence explicitement au précédent du tribunal de Nuremberg. Par évidence, puisque avant Nuremberg, il n'y avait pas, entre guillemets, de procès internationaux pour juger des crimes de guerre, entre guillemets, ou ce qui a été consacré à Nuremberg, des crimes contre l'humanité, entre guillemets également. Et donc, nous sommes finalement seulement un peu moins de un mois et demi, mais deux mois dans la guerre en Ukraine, ce qui est court pour un conflit au fond, et pourtant, dès les premières semaines, le contexte a été clairement posé en ces termes, ce n'était pas un conflit entre deux États qui avaient des griefs territoriaux ou d'influence, mais que c'était un conflit véritablement idéologique, un conflit existentiel. Et que la totalité de l'Occident, d'ailleurs, était mobilisée dans ce conflit. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce que les médias nous ont expliqué, c'est très clair. L'Union européenne, d'ailleurs, l'a dit aussi. On nous explique qu'il n'y a pas de... On ne peut pas être neutre. C'est ce qu'on nous dit, on ne peut pas être neutre. On est de facto pour. Seuls les salauds peuvent être neutres. Et on ne parle même pas de ceux qui éventuellement seraient même pour les Russes, parce que c'est même pas envisageable. Et très vite, donc, on nous a expliqué aussi que nous n'avions pas affaire à un conflit, nous avions affaire à des bandits, des criminels, qui devaient être jugés. Exactement comme au coin de notre rue, il y a des bandits qui circulent, qui volent des vieilles dames, qui agressent des gens, qui violent, et qui doivent être jugés. Voilà. Donc la pénalisation, en fait, de l'État russe en totalité. Alors ça, pour moi, ça a été quelque chose d'absolument marquant, je dois dire. Ça m'a énormément frappé, et j'ai vu l'analogie immédiate avec le Troisième Reich. Je me suis dit, c'est quand même incroyable de voir comment on peut parler d'une puissance nucléaire, parce que la Russie est une puissance nucléaire, donc c'est quand même un État avec lequel on est censé quand même prendre des gants, entre guillemets. Et pas du tout. Il y a une brutalité rhétorique contre la Russie qui sort complètement du champ du commun. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose qui n'est pas du tout, auquel on n'est pas habitué. Et Poutine, maintenant, est le nouvel Hitler, c'est clair. Et là, j'ai toute une série de textes, enfin, je ne vais pas être trop long, mais la presse est la plus officielle, notamment le Sénat français, la presse du Sénat français qui s'exprime sur la question, qui parle du président russe, hein, Vladimir Poutine, et encore d'autres sources qui sont claires sur la question de la criminalisation de la Russie avec, à son terme, un tribunal international. Alors, je vais vous lire ça. Le titre, je vous le donne, hein, c'est « Cour pénale internationale, pas d'immunité pour Vladimir Poutine, rappelle cette juriste. Plusieurs enquêtes sont en cours en Ukraine pour tenter de qualifier les crimes perpétrés à Boutcha, Mariupol, Kramatorsk, où des centaines de civils ont été tués. L'objectif de ces investigations, récolter des preuves pour un jour traduire les responsables, dont peut-être Vladimir Poutine lui-même, devant la justice internationale. En ce moment même en Ukraine, des enquêteurs s'affairent pour tenter de récolter des preuves sur les crimes perpétrés par les milices et l'armée russe. Des investigations menées par la procureure générale d'Ukraine, mais aussi par la Cour pénale internationale, avec le concours d'Eurojust, l'organe judiciaire européen. Du jamais vu, selon Céline Bardet, juriste internationale, fondatrice de We Are Not Weapons of War, donc nous ne sommes pas des armes de guerre, on a un travail de justice qui s'enclenche quasiment au début du moment du conflit, donc tout de suite au début des hostilités, nous dit-elle. Un travail de justice nécessaire pour qualifier les crimes commis, que ce soit à Boutcha, à la gare de Kramatorsk, au théâtre de Mariupol et dans d'autres villes du pays. S'agit-il de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou, comme le président américain l'affirme, de génocide? Pour Céline Bardet, à ce stade, il convient d'être prudent. Il y a beaucoup d'enjeux politiques et de communication autour de ce mot de génocide. Intéressant ça, Vincent. Il faut faire attention à cela. Prouver un génocide, c'est quand même très compliqué. La qualification et la preuve d'un génocide en cours légitimerait d'ailleurs une intervention des États pour y mettre fin, rappelle la juriste internationale. La question du génocide est intégrée dans la Convention de 1948, c'est-à-dire qu'un État qui considère qu'il y a un génocide a une responsabilité d'intervention. Une qualification de génocide que se refuse d'utiliser le président Emmanuel Macron ou le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président français considère pour l'heure que le terme est inapproprié et qu'il revient à la justice de qualifier les atrocités commises. À la plus grande colère de Zelensky d'ailleurs, qui ne cesse d'utiliser le terme de génocide et de dénoncer d'ailleurs les propos de Macron refusant de reconnaître la pertinence de ce terme. Depuis le début de l'invasion, Kiev a ouvert plus de 5600 enquêtes pour crimes de guerre présumés sur son territoire, car l'objectif reste bien qu'il n'y ait pas d'impunité, et faire en sorte que la Russie et surtout les leaders russes, responsables, paient pour ce qu'il s'est passé, affirme le député socialiste européen roumain Victor Negrescu. D'ailleurs, il n'y a pas d'immunité pour les présidents en exercice devant la Cour pénale internationale, donc la CPI, rappelle Céline Bardet. S'il y avait un acte d'accusation, Vladimir Poutine pourrait donc être traduit devant la CPI, mais il faudrait aller le chercher physiquement. Alors, c'est un premier article, j'en ai d'autres, j'ai d'autres sources, j'ai d'autres choses à dire aussi, mais je me retourne tout de suite vers Vincent. Tu as entendu donc la chaîne publique qu'est Public Sénat produire ce compte-rendu citant donc une juriste et expliquant que Vladimir Poutine devrait être allé chercher, je cite, physiquement pour répondre de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ou de génocide le cas échéant. Est-ce que tu peux un petit peu pour nous, Vincent, parce que ces notions volent au-dessus de nos têtes, hein, je veux dire crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, Cour pénale internationale, etc. Est-ce que tu peux un peu clarifier tout ça pour nous, peut-être nous expliquer les racines de ces concepts, et est-ce qu'il y a des précédents, et surtout, par rapport à la situation actuelle, finalement... comment toi tu appréhendes tout ça un petit peu, voilà, c'est en fait d'où ça vient, comment c'est utilisé, et quand tu écoutes ce que disent les médias publics français, les médias d'État français, quand tu entends ça en disant voilà, il faut aller chercher Poutine physiquement au Kremlin pour le traîner jusque dans une cour, peut-être même physiquement à Nuremberg d'ailleurs, hein, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Oui, alors déjà, je vais tout de suite parler de la situation actuelle. Le tribunal de Nuremberg a été instauré pour une raison. En 1945, il fallait faire porter aux vaincus toute la responsabilité dans le déclenchement de la guerre et toute la culpabilité dans les crimes de guerre qui avaient été commis pendant cette Seconde Guerre mondiale. C'était ça le premier objectif. Et en faisant porter à l'Allemagne toute la culpabilité dans les crimes de guerre, ça permettait de faire oublier ou de minimiser les crimes de guerre des Alliés. Tel était l'objectif. Et tout a été très bien résumé par Maurice Bardèche dans son livre « Nuremberg ou la Terre promise ». Il a dit « La justice commence », mais quand il parlait de justice, ça veut dire la justice objective, c'est-à-dire la justice qui va dégager la vérité. La justice commence quand chacun met ses papiers sur la table et dit juger. En dehors de cela, il n'existe que des opérations de propagande. Pourquoi disait-il cela? Eh bien parce que justement, et c'est ce qui va rendre, je pense, un procès de Vladimir Poutine assez difficile, au moins dans la situation actuelle. C'est que le procès de Nuremberg, c'est typique de la propagande, ce que j'appelle démocratique. C'est-à-dire que la démocratie fait de la propagande, mais par rapport à la dictature, elle veut couvrir cette propagande sous un voile d'objectivité. Oui. Prenons le cas du RSS, bon, il n'y avait que la Pravda. Bon, bah, ok, on savait que c'était la propagande de l'État. Bon, voilà, ça, on ne s'en cachait pas. Je veux dire, pareil, hein, je veux dire, vous êtes un opposant, on vous met une balle dans la nuque. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, il y a une certaine honnêteté derrière. On ne se cache pas. Voilà. La démocratie, ce n'est pas comme ça. La démocratie, elle veut employer les mêmes méthodes, et elle peut les employer, mais il faut toujours que ce soit... Ça se cache sous un voile de l'objectivité. Alors, le procès de Nuremberg, c'était quoi? C'était, en gros, ben, toutes les apparences doivent être sauves. Il y aura un tribunal, avec un juge désigné, avec des assesseurs, l'acte d'accusation sera donné, lu publiquement, traduit dans toutes les langues, les accusés sauront de quoi ils sont accusés, ils auront droit à un avocat, et ils pourront présenter librement leur défense. Voilà, ça c'est le décor, c'est le décor. Mais ce que l'on va empêcher à Nuremberg, ben c'est que les accusés aient à leur disposition leur documentation. Parce que dans ce genre de procès, ce qui est important, ce n'est pas un procès pour un vol à l'étalage, hein, ce n'est pas un procès pour un vol de bicyclette, c'est un procès pour, par rapport à des événements mondiaux et des crimes qui peuvent se dérouler sur tout un continent pendant toute une guerre. Donc c'est la documentation qui compte. Or, qu'est-ce qu'ont fait les vainqueurs en 1945? Ben, ils occupent l'Allemagne totalement, puisqu'ils demandent à partir de 1943 une reddition inconditionnelle. Et ils occupent totalement l'Allemagne, ils mettent la main sur les archives et ils les saisissent. Et les vaincus n'ont plus accès à ces archives. Et comment organisent-ils Nuremberg? Eh bien, ils organisent en disant, voilà, nos équipes, pendant des mois, des centaines de personnes, vont scruter toutes vos archives, elles vont sonder les murs, elles vont tout prendre, elles vont en extraire des documents, et ces documents, on va les donner à la défense, et la défense devra répondre à partir de ces documents. Et naturellement, tous les autres documents qui ne sont pas à charge, on les garde. Vous n'y avez pas accès. Alors, voilà donc comment se présente le procès de Nuremberg. Tu veux dire qu'à Nuremberg, donc, l'accusation dit on garde les documents qui nous paraissent les plus accablants et qui collent à ce qu'on veut faire dire. Et dès qu'on trouve un document qui peut nous poser problème et qui va aider la défense, on l'écarte et la défense n'y a pas accès. Exactement. Et lorsqu'un avocat, je crois que c'était l'avocat de... je pense que c'était l'avocat de Ribbentrop, mais j'en suis plus sûr, a dit que, il a dit, mais vous, les Américains, normalement, vous devez instruire un procès à charge et à décharge. Or là, vous ne nous donnez que les documents à charge. Vous ne nous avez pas. Et qu'est-ce que répond le procureur général, celui qui a emmené l'accusation, Robert Jackson? Qu'est-ce qu'il répond? Je suis chargé de mener l'accusation, je ne servirai pas de maître. Sous-entendu? Non. On a tous les documents, on ne sort que les documents les plus accablants, mais on ne sert pas de maître, on ne sert pas la défense, nous. Et on les garde. Il le revendique hautement. Et le tribunal va accepter cela. Et il va aller plus loin. Parce que, naturellement, les alliés et les vainqueurs n'avaient pas pu tout saisir. Il y avait des documents qui avaient été reproduits en de nombreux exemplaires. Je pense notamment aux livres blancs allemands. Pendant toute la guerre, les Allemands ont publié des livres blancs pour démontrer que c'était l'Angleterre qui avait commencé les bombardements d'objectifs civils, pour démontrer que dans le déclenchement de la guerre, il y avait la Pologne et l'Angleterre, etc. Ils ont publié des tas de livres blancs. Eh bien, tous ces livres blancs, si les originaux avaient pu être saisis, ils avaient été diffusés à tellement d'exemplaires dans plein de langues qu'il y en avait encore qui traînaient partout. Ce n'était pas difficile d'en avoir. Eh bien, ce que va faire le tribunal, c'est qu'il va rajouter une règle en disant « Oui, c'est vrai que vous avez le droit, dans les statuts initiaux, vous avez le droit de présenter ce que vous voulez pour assurer votre défense. Mais attention, vous présentez au tribunal et le tribunal, ensuite, après examen, va accepter ou refuser. Et c'est comme ça que le tribunal va refuser, sur le peu de documents qui restent à la défense, le tribunal va en refuser au moins 50% en disant non, c'est pas pertinent. Et il n'a pas à donner de raison. Il dit ça, voilà, les ça, documents oui, 207, ça, 208, 209, oui, on les refuse. Et le cas va se trouver dramatique avec Rudolf Hess. L'avocat de Rudolf Hess, qui était un très bon avocat, va dire « Mais vous nous reprochez des complots contre la paix, vous nous reprochez d'avoir mené une politique agressive. Mais si on a mené cette politique, si on a fait l'Anschluss, si on a réclamé les Sudètes, si ensuite on a réclamé Danzig et le Corridor, c'est parce que en 1919, on nous a imposé le traité de Versailles, qui était un traité foncièrement injuste. Donc, si vous voulez dégager la vérité, il faut remonter à Versailles. » Et l'avocat a commencé à produire, à dire « Voilà, moi je vous propose des documents démontrant que non seulement Versailles nous a été imposé par la force, mais que Versailles était foncièrement injuste. » Et à l'audience du 10 mars 1946, le tribunal annonce « Tout document cherchant à démontrer que le traité de Versailles a été imposé par la force sera automatiquement refusé. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, si on veut résumer, j'arrive devant vous, il est 9h30, je vous mets une claque. 9h31, vous me répondez par un coup de poing. Je vais porter plainte. Ah, il m'a mis un coup de poing à 9h31. Très bien, on le met en procès. Vous arrivez au procès, vous êtes dans le box et des accusés parce que vous êtes en détention préventive. Et vous dites, oui, mais voilà, mais le problème, c'est vrai, je lui ai mis un coup de poing à 9h31, mais à 9h30, vous comprenez, il m'a mis une claque. Ah non, le procès commence à 9h31, monsieur, pas à 9h30. Oui, mais regardez, j'ai trouvé un film d'une caméra de surveillance qui montre qu'à 9h30, il m'a donné une claque. Non, ce film est rejeté par le tribunal. Parce que le procès commence en 1931. Et c'est exactement ce qu'on répond aux accusés quand ils commencent à dire « Ouais, mais regardez ce qui s'est passé en 1919, là. » Non, non, non, non. Le procès commence le 30 janvier 1933. Avant, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Et c'est ça, Nuremberg. Donc, c'est-à-dire qu'on a paralysé totalement la défense, déjà en saisissant tous les papiers des gens, en ne leur donnant que les documents les plus accablants, en disant « Vous allez vous expliquer sur ce document accablant. Ouais, » Mais en plus, les documents que vous allez nous présenter, il y en a qu'on estimera non pertinents. Et on n'a pas à justifier pourquoi. Et c'est comme ça que peu avant d'être pendu, Ribbentrop a écrit des sortes de mémoires qui ont été publiées. Ça s'appelle « De Londres à Moscou, mémoire ». Et il a dit « Sur tous les livres blancs que l'on a proposés, plus de 50% ont été écartés sans justification valable. » C'est-à-dire que lorsque, par exemple, les Allemands disait « Ouais, mais vous nous accusez d'avoir fait bande de la répression en France ». Mais il y avait des crimes qui étaient commis par la résistance. C'est à ça qu'on a réagi. Ah non, c'est votre procès. C'est pas le procès de la résistance française, messieurs. Donc vous répondez des fusillades des Français. Mais on n'a pas à s'occuper de ce qui s'est passé avant. Et c'est pareil quand il disait, ouais, mais attendez, là, par exemple, Roosevelt, il n'a pas arrêté de harceler nos navires. On a fait qu'y répondre. Messieurs, ce n'est pas le procès des Nations Unies ici. C'est votre procès. Alors, c'était toujours comme ça. Et c'est ça, Nuremberg. C'est-à-dire que pour réussir à faire un procès de Nuremberg, il faut impérativement que l'accusé ne puisse pas avoir accès à sa documentation. Et c'est pour ça qu'en 1918, je vous rappelle que la première tentative de procès de Nuremberg, à l'époque ça s'appelait pas Nuremberg, mais ça a été en 1918, on voulait mettre le Kaiser en procès. Il y avait même le tribunal était prêt, il y avait même un président qui avait déjà été nommé, c'était déjà un Britannique. Pour Nuremberg, c'était Lord Lawrence, un Britannique, mais en 1918, c'était déjà un Britannique. Mais pourquoi les Alliés ont finalement reculé ? Parce que l'Allemagne était encore un État souverain. Alors c'est vrai, la République de Weimar était assez très hostile au Kaiser, mais n'empêche que le Kaiser, il aurait eu ses avocats, et l'Allemagne était un État souverain qui possédait encore ses archives, n'aurait pu refuser aux avocats du Kaiser l'accès aux archives. Or, lorsque à Versailles, l'article 231 disait que l'Allemagne portait toute la responsabilité de la déclaration de la guerre, on savait que c'était faux, que c'était pas l'Allemagne qui portait toute la responsabilité de la guerre, mais que c'était la Russie tsariste avec de concert avec la Serbie. Et d'ailleurs, il a fallu, en France, cette vérité a été démontrée, il a fallu attendre 1935, parce que à la légation serbe, il y avait un jeune serbe qui traduisait tous les télégrammes secrets, enfin, une partie des télégrammes secrets, mais une grande partie, et notamment les télégrammes qui avaient lieu entre la Russie et la Serbie, et il était tellement écœuré de voir comment il faisait déjà les mobilisations de leurs armées, il était tellement écœuré qu'il a pris en cachette des copies de ces télégrammes, et il les a données, après la guerre, à Henri Pozzi, qui était un Français qui était actif et qui était même président, je crois, de l'Agence pour les Balkans. Mais il lui a dit, vous ne pourrez pas les révéler avant ma mort. Bon, il est mort assez prématurément parce qu'il est mort en 35, alors qu'il était jeune encore dans les années, donc vers 1920. Et c'est à ce moment-là que Henri Pozzi a publié un livre qui est une bombe, qui s'appelle Les Coupables, dont j'ai parlé plusieurs fois dans des vidéos, et dans lesquels il montrait ces télégrammes serbes en disant, voilà, les responsabilités de la guerre, l'article 231 du traité de Versailles en disant que c'était l'Allemagne, c'était faux. C'était pas eux. L'Allemagne, c'est quand elle s'est aperçue que la Russie est en train de faire de la mobilisation totale de ses armées et non pas une mobilisation partielle comme elle le prétendait, que l'Allemagne a dit non. Il faut, avant que la Russie soit prête, il faut avoir réglé cette affaire et qu'ils ont fondu sur la Serbie, qu'ils ont déclaré la guerre. C'était tout ça. Donc, en 1918-1919, les Alliés le savaient que l'Allemagne avait toutes ses archives. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le procès. Ils n'ont pas fait un premier procès de Nuremberg en 1918-1919. Ils ont reculé. Et en 1945, ils n'ont pas refait la même erreur. Cette fois, ils ont saisi toutes les archives. Ça veut dire que pour aujourd'hui, si les gens voulaient faire un procès de Nuremberg à Vladimir Poutine, il faudrait trouver un moyen de le couper de ses archives. C'est-à-dire, soit il faudrait envahir la Russie et l'occuper totalement, ce qui me paraît assez improbable, bien que je ne connaisse pas la politique, ce qui se passe à l'Est, mais en phase. Soit il faudrait pouvoir renverser Poutine, comme ils ont renversé Saddam Hussein, et mettre un gouvernement qui lui soit très hostile à la place, et qui accepte de ne pas... Qui coupe l'accès aux archives. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Saddam Hussein. Ils l'ont renversé, et hop, ils l'ont fait passer en procès. C'est ce qu'ils ont fait avec Slobodan Milosevic aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, mais lui, il est mort avant la fin de son procès, donc ça s'est pas terminé. Mais donc, pour Vladimir Poutine, même quand bien même aller, on va par impossible, ils arrivent à le kidnapper. Ils l'emmènent à Nuremberg. Ouais, mais alors là, si la Russie est encore un État indépendant, souverain, s'il mettait la main physiquement sur Vladimir Poutine. le problème reste entier, puisque la question n'est pas de le tuer, auquel cas c'est un meurtre, et finalement son élimination physique est assez secondaire. Il faut pouvoir tuer la motivation derrière les actions de Vladimir Poutine. Il faut pouvoir la délégitimer totalement. Et pour ça, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut, par un biais ou par un autre, avoir un semblant d'authenticité derrière la démarche pour que les gens se disent « Ah oui, effectivement, en toute vérité, effectivement, c'était bien un criminel, ses intentions étaient bien maléfiques. » Et oui, c'est légitime, et de bout en bout, cet homme avait tort, en gros, quoi. Exactement. Alors qu'on pourrait sinon, voilà, enfin, l'attraper, l'empoisonner, je ne sais, et voilà. Et en fait, le problème resterait entier du point de vue des démocraties exactement. Occidentales. Voilà, c'est ça, d'accord, tout à fait. C'est ça, Nuremberg. Nuremberg, c'est donner une apparence de légitimité à dire « nous, on était les bons ». Là, en face, c'était les gros mauvais. C'était les criminels, en fait, et on a eu raison. Il faut tuer l'idée. À Nuremberg, c'est ça. Il faut tuer l'idée, impérativement, tuer l'idée national-socialiste. En gros, c'est ça. Hein. Exactement. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs dans sa lettre à François Mauriac, c'est ce qu'avait dit Bardèche. Il avait dit, vous voyez, lorsque Vichy fusillait un résistant, j'ai beaucoup aimé ce passage-là, elle n'empêchait pas son fils de vénérer son père comme un héros. Alors que vous, quand vous pendez les nationaux-socialistes, vous voulez en plus que leur fils les renie. Et c'était tout à fait vrai, c'est ça. C'est-à-dire que Nuremberg, c'est ça, c'est de dire « Vos papas étaient des monstres. Ils ont entraîné votre peuple à être un monstre. » Et si on veut faire pareil avec Vladimir Poutine, hein, et je le dis d'autant plus objectivement que je n'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine. Je n'ai pas d'antipathie pour lui, hein, c'est oui, pas ça. Tu m'as dit ça, dans nos échanges, tu m'as dit je suis très intéressé pour prendre la parole dans l'émission sur cette question parce que moi je n'aime pas Vladimir Poutine. Je n'aime pas. Non, j'ai dit que j'avais aucune sympathie pour lui. Je n'ai pas d'antipathie non plus, si vous voulez. Mais pour moi, ce n'est ni un héros ni rien. Je suis complètement indifférent. Donc, quand je m'oppose à un Nuremberg de Vladimir Poutine, c'est pas parce que je le vois comme un héros. Hein, pas du tout. Moi, c'est purement objectif. D'accord. Comment dire sur. Tu vois, quand j'ai cité donc le propos de. Donc, c'est bien. Tu as restitué donc la Nuremberg. Je pense assez bien. Ses véritables intentions, motivations, mais quand j'ai cité le propos de Public Sénat, tu vois que l'intervenante cite toute une série de notions. Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Dans le cas qui nous intéresse, et j'observe, et ça c'est assez fascinant, que Macron n'est pas tellement visiblement enchanté par une escalade contre la Russie. Hein, bon, ça, c'est moins qu'on puisse dire. On voit bien qu'il est très tiède. Hein, Macron a bien des défauts, mais on sent bien qu'il n'est pas très friand d'une confrontation contre la Russie. Peut-être d'ailleurs parce qu'il est, que la France est une puissance nucléaire et que si jamais ça tourne mal avec la Russie, bon, bah, c'est certainement pas la Pologne qui va. Bon, voilà. Parce que j'entends beaucoup de gens dire « Ah, oh, là, vous avez les Russes, la déconfiture en Ukraine. » Bon. Je voudrais quand même dire une chose là-dessus, très vite et en passant. En Ukraine, Vladimir Poutine a des objectifs politiques très concrets. Il aimerait placer sous l'influence russe l'Ukraine. Est-ce qu'il peut y arriver ou pas? Ça, c'est complètement autre chose. Mais enfin, il a besoin d'utiliser des méthodes qui sont des méthodes dont la violence est par définition limitée. En revanche, je vois les Finlandais s'enflammer en se disant « Haha, vous avez vu, les Ukrainiens leur ont tenu tête. » On va en faire qu'une bouchée. Alors, la Finlande, c'est 5 millions de personnes, essentiellement des bois et des lacs, et surtout, ils n'ont pas de couverture par l'OTAN, bien sûr. Donc, Vladimir Poutine, qui n'a aucune vue territoriale sur la Finlande, pourrait transformer la vie en Finlande en un véritable enfer, simplement par l'arme balistique. Les gens qui s'imaginent que les Russes veulent envahir la Finlande et que ça se transformera dans un... C'est pas du tout. La Russie n'a pas d'objectif de cette nature. Mais je dis ça parce que, si vous voulez, on essaie de présenter la Russie comme une entité impuissante, qui est en pleine déconfiture et dont on aura bientôt raison. Et alors, Macron, c'est ce qui explique sa réticence, qui, à mon avis, même s'il sait que en Ukraine, c'est un micmac qui peut virtuellement s'éterniser, mais il sait que, de toute façon, aller chercher la merde avec la Russie, c'est une très mauvaise affaire. Donc, il veut en sortir. Mais quand il dit « j'ai pas envie de qualifier ce qui se passe en Ukraine de génocide », il est sur la défensive. Ça, ça nous dit beaucoup de choses. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de génocide en Ukraine. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire il y a une guerre, mais un génocide, si on s'entend, je veux dire, ça répond à un certain nombre de normes quand même. Exactement, exactement. Et Macron est sur la défensive. C'est-à-dire que Macron dit « non, il n'y a pas de génocide en Ukraine », il est obligé de dire « non, mais pour le moment, on n'est pas sûr ». C'est-à-dire qu'il ne peut même pas dire « attendez, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi ? Il n'y a pas de génocide en Ukraine. Arrêtez avec vos stupidités ». C'est-à-dire que le climat politique, le rapport de force, la puissance des États-Unis en faveur du conflit est telle que Macron ne peut même pas dire l'évidence. Il est obligé de prendre des gants. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'insiste. Alors, évidemment, Macron le fait parce qu'il dit « bah oui, mais je suis une puissance nucléaire, en face aussi c'est une puissance nucléaire ». Il faut que je sois prudent. Mais si j'insiste sur ce point, c'est que la nomenclature, ça compte, et qu'on nous dit crime de guerre, crime contre l'humanité, visiblement pour justifier tout contre la Russie et contre Poutine. Bien et sûr. Là, et là, je veux dire à Vincent, je veux l'interroger là-dessus, quand tu entends ces mots, toi, pour avoir travaillé là-dessus tellement intensément, après 30 ans, quand tu entends les mêmes mots, les mêmes accusations jetées au visage quand même d'une puissance nucléaire. Parce que bon, quand c'est la Serbie de Milosevic ou la Syrie d'Assad, bon, c'est une chose. Mais là, c'est une puissance nucléaire qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand on balance ces mots comme ça, toi, qu'est-ce que tu en dis ? Comment tu perçois ça ? Vraiment au sens strict, quand tu vois les puissances occidentales dire « voilà, mais en fait, vous, les Russes, vous perpétrez un génocide », je cite Biden, vous perpétrez un crime contre l'humanité à Kramatorsk sur une gare, donc un missile qui tombe sur une gare, bon, je suis désolé pour les victimes naturellement, mais c'est quelques dizaines de victimes, et je vois Le Drian qui dit c'est un crime contre l'humanité, je veux dire, bon, on convoque des termes là qui c'est pas ce qu'on convoque d'ordinaire dans un tribunal, donc je voudrais avoir ton avis là-dessus spécifiquement. Bien, je pense que la fin de la Seconde Guerre mondiale a vu, enfin, il y avait déjà eu ça pendant la Première Guerre mondiale, mais la Seconde Guerre mondiale a vu une accélération. C'est que aujourd'hui, et surtout dans la rhétorique américaine, il faut que l'adversaire soit le pire des démons. Il n'y a plus du tout la notion de respect de l'ennemi. Avant, en 1870, et puis au début de 1914, on pouvait admettre que l'ennemi, bon, bah, c'était notre ennemi, mais c'était un ennemi honorable. Et on pratiquait la guerre chevaleresque. D'ailleurs, tout le monde est d'accord que, je dirais jusqu'en 1940, 1941 même, au début, la guerre était chevaleresque. Bon. Et puis, il y a eu il y a eu une inflation, il y a eu une accélération, et donc depuis, il faut impérativement donc que l'ennemi soit vu comme un démon contre lequel donc tout sera permis. C'est pour ça que la rhétorique qui est utilisée contre la Russie, alors que c'est une puissance nucléaire, qu'il faudrait peut-être être mesuré et prudent. Alors vous allez me dire, c'est un peu hypocrite, alors vous êtes mesuré et prudent face aux puissants. Je pense qu'il faut être mesuré et prudent face à tout le monde, mais davantage face aux puissants. Hein. Donc, cette rhétorique, c'est tout simplement, elle s'inscrit dans la logique des choses. Voilà. Donc, on a aujourd'hui, comme la Russie est devenue l'ennemi, pour une raison X ou Y, mais peu importe, ça y est, il faut qu'elle soit le monstre. Donc, on va nous ressortir les mots qui résonnent de façon pavlovienne, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Alors là, génocide, c'est qui est complet. Là, on est au-dessus du soleil, hein, comme disait Dieudo. Je veux dire, donc ça ne m'étonne pas. Pour moi, ça ne m'étonne absolument pas que cette rhétorique soit utilisée. Alors, il faut savoir que ce qui est fou dans cette affaire, c'est que quand on dit, par exemple, un crime contre l'humanité, mais un crime contre l'humanité peut porter contre une personne seulement. C'est ça qui est fou. C'est que souvent, nous, on a l'impression que crime contre l'humanité, ça signifie des crimes à grande échelle, mais pas du tout. Un crime contre l'humanité, il est considéré comme crime contre l'humanité à partir du moment où la victime, vous êtes censé l'avoir tué pour des motifs avant tout raciaux ou politiques, choses comme ça. Ça s'est d'ailleurs très bien posé dans l'affaire Paul Touvier. Dans l'affaire Paul Touvier, quand il a fait exécuter des otages en représailles de l'assassinat de Philippe Henriot, Tu peux dire qui est Philippe Henriot, simplement pour les auditeurs qui ne sauraient pas. Alors oui, Philippe Henriot donc était le secrétaire d'État à la propagande sous le gouvernement de Vichy. Il faisait un éditorial tous les jours. Et alors, à l'époque, il était considéré comme un orateur exceptionnel. Aujourd'hui, on le verrait moins comme ça parce qu'il s'exprimait de la façon de l'époque. Mais quand on le lit encore, oui. Il avait une dialectique extraordinaire. Donc, il était considéré comme un orateur exceptionnel. Et il est vrai que ses éditoriaux étaient dévastateurs pour la résistance et pour les alliés. Je veux dire, il asséné des vérités. Il avait un sens de l'humour, de la répartie qui était excellente. Et donc, les services secrets britanniques savaient qu'il fallait le tuer. Et donc, ils ont envoyé un commando le tuer. C'était le 29 juin 1944 et en représailles notamment bon, il y a eu des exécutions d'otages et parmi ceux qui ont fait des exécutions d'otages, il y a eu Paul Touvier, un milicien de la région de Chambéry qui a fait assassiner 7 otages. Et la question c'est, est-ce que tu peux poser la question, comment la qualité des otages, qui étaient ces otages Voilà. Alors justement, c'était des gens qu'il a pris au hasard. Comment ça s'est... Alors voilà. Et ben toute la question s'est posée là-dessus. S'il avait pris des gens au hasard, ça aurait été un crime de guerre à tout casser. Mais s'il avait pris des gens parce qu'ils étaient juifs, et c'était le cas, ça devenait un crime contre l'humanité. Or sur les 7 otages, si j'ai des bons souvenirs, il y en avait 6, c'était des juifs, et je crois qu'il y en avait un 7e, le cas se posait. Et justement, je crois que c'était la cour d'appel, a donné raison à la défense de Paul Touvier en disant que c'était une réaction à chaud suite à l'assassinat d'un secrétaire d'État, qui n'était pas rien, mais qui n'était pas prouvé que Paul Touvier avait choisi tout le monde parce que c'était les Juifs. Et ça a fait scandale. Et à ce moment-là, l'affaire a été révisée, enfin a été cassée, et à ce moment-là, il y a eu, on a dit si c'est un crime contre l'humanité, parce que les 7 otages étaient des juifs retenus. Alors naturellement, Paul Touvier disait oui, c'était certes des juifs, mais il y en avait qui étaient retenus pour résistance, pas parce qu'ils étaient juifs. Donc quand on les a extraits de la prison, on les a assassinés en tant que résistants, et non pas en tant que juifs. Mais justement, au départ, ça a été accepté, et donc on était parti dans le crime de guerre, qui est un crime beaucoup moins grave que le crime contre l'humanité, qui lui, par essence, imprescriptible, etc. Et voilà pourquoi, au départ, Paul Touvier a été prêt de gagner son cas en disant « Mais non, ce sont des crimes de guerre. Donc, c'est prescrit au bout de 20 ans, ça s'est passé en 1944. Donc, depuis 1964, j'ai la prescription. » Et toute l'affaire quand elle est repartie, la Cour de cassation a qualifié ça de crime contre l'humanité, donc la prescription acquise en 1964 est tombée. On a dit, mais non, parce que maintenant, c'est un crime contre l'humanité, donc c'est imprescriptible. Donc, vous n'avez plus la cassation. Et c'est comme ça qu'il a terminé ses jours en prison, Paul Touvier. Donc, un crime contre l'humanité, ça ne veut pas dire que c'est un crime étendu. Si, pendant une guerre, je dis, tiens, il faut que j'exécute quelqu'un, là, pour faire un exemple. Tiens, ben voilà, je vais prendre Salomon Reynac, parce qu'il est juif. J'ai commis un crime contre l'humanité, qui est imprescriptible. Et je peux terminer mes jours en prison pour cela. C'est ça le crime contre l'humanité. Oui, donc c'est pour ça, ça que dépend de la judaïté de la personne en gros. Hein. Ben, ça dépend en fait. Non mais j'exagère, mais en gros c'est ça quoi. C'est bon, souvent ça revient à ça puisque souvent, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. Souvent ça revient à ça. Alors moi, écoute Vincent, merci d'avoir précisé ça, mais je suis venu à une espèce de conclusion qui m'appartient, mais je ne suis peut-être pas le premier à l'avoir dressé d'ailleurs, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a les crimes pour l'humanité et les crimes contre l'humanité. Tout à fait. En gros, il y a le bombardement d'Hiroshima, c'est un crime pour l'humanité. Voilà, c'est un crime. Oui, c'est pour sauver la vie des soldats. Oui, l'humanité, la démocratie, tu sais tout ça. Et puis il y a, et certainement, je veux dire, dans le contexte de la guerre, surtout avec la radicalité face aux bolcheviks, et des enjeux, certainement l'Allemagne nationale-socialiste aussi s'est trouvée commettre des crimes, bien évidemment, dans le cadre d'opérations militaires, enfin bon, voilà. D'ailleurs, le Führer n'est pas nécessairement comptable, je veux dire... Enfin, les gens ne se rendent pas compte des échelles d'opérations des armées, mais bon. Là, ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, moi, je pose la question, c'est qui détermine qui est pour et qui est contre ? Bah, pour qui et contre qui ? Le vainqueur. Voilà, évidemment. Bon, voilà. Donc, c'est un petit peu... Non, c'est le vainqueur, hein. Alors, du coup, pour en revenir à Vladimir Poutine, moi, j'ai l'impression qu'on lui fait un... On nous explique que Vladimir Poutine ne commet que des crimes, ça va pas tarder, hein, je veux dire, bon, voilà, j'ai entendu parler de ça, parce que, voilà, des crimes contre l'humanité, je veux insister là-dessus, parce que les gens peuvent me trouver complètement gâteux, mais... Le Drian, je connais bien Le Drian, l'oiseau Le Drian, l'ancien maire de Lorient, socialiste, maçon, tant qu'on peut l'être. Queue et chemise avec tous les Saoudiens. Quand il y a une entreprise qui bat un peu de l'aile en Bretagne, il va voir les Saoudiens et dit, est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît ? Ça fait remonter mes sondages dans l'opinion. Et les Saoudiens, toujours, obligent. C'est lui qui s'est retrouvé avec Bandar Ben Sultan en Syrie, à armer les pires coupeurs de tête. Il savait très bien, Le Drian, ce qu'il était en train de faire. Il n'est pas stupide à ce point-là. Il savait qu'il armait les pires bandits, les pires égorgeurs de toute la bande. Bandar Ben Sultan, qui lui-même, ancien ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis sous George W. Bush, a coopéré avec les équipes américaines pour faire venir des soi-disant terroristes sur le territoire américain pour perpétrer les attentats du 11 septembre. C'est la même bande qui a expliqué un jour à un média britannique que les chiites devraient tous être exterminés jusqu'au dernier. Il a dit ça textuellement. Et Le Drian nous dit maintenant, sur un autre théâtre d'opération, que ce qui s'est passé à Kramatorsk, qui, encore une fois, je ne suis pas en train de ça ne m'exalte pas, hein, d'accord, voir des gens qui meurent. Je n'ai pas de plaisir particulier, à titre personnel, de voir des gens mourir, des familles. Je n'ai pas d'appétit pour ce genre de choses. Mais à Kramatorsk, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Est-ce que c'est des Russes qui ont envoyé un missile sciemment ? Je ne sais pas. Personne ne sait. Mais Le Drian s'en fout, il n'attend pas. En 48 heures, il a déjà la formule. Et il dit pas « c'est un crime de l'armée russe ». Il dit, et les termes ont un sens, je veux dire, il dit « c'est un crime contre l'humanité ». Et quand on convoque cette nomenclature juridique, on sait ce qu'on fait quand on est ministre des Affaires étrangères français. On sait ce qu'on fait. On sait exactement ce qu'on fait. Le Drian est en train de préparer une confrontation totale contre la Russie. C'est ce qu'il est en train de préparer. Or, c'est pas lui, c'est pas la France, parce que bon, la France n'a pas le potentiel militaire. C'est tous les autres, toute la clique, les Américains en tête. Alors, moi, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les mots ayant un sens, la nomenclature ayant un sens, utiliser des termes aussi chargés que crime contre l'humanité, quand je vois un ministre français des Affaires étrangères citer ça contre une puissance nucléaire, je me dis, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Donc voilà, je voulais te soumettre ça, cher Vincent, parce que toi tu sais tout ça avec Nuremberg, déjà, d'une part, et quand tu vois ça, bah, à mon avis, toi, là, c'est peut-être plus l'observateur là, que je sollicite. Alors, j'avoue que moi, je suis réservé, c'est-à-dire que je n'ai pas assez d'éléments, peut-être c'est ma naïveté, je ne sais pas. Je n'arrive jamais à voir ce qui relève de l'action concertée en vue de l'écrasement de la Russie ou d'une confrontation avec la Russie, ce qui serait pour moi une folie. Je n'écarte pas cette hypothèse. Et ce qui relève aussi de la pure folie des gens, dans une époque justement où d'inflation, où on dit tout et n'importe quoi, où il n'y a plus de repères, et où... Pour avoir, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a quand même cette notion de dire, il faut que j'appartienne au camp des bons. Donc, il faut que j'en rajoute. Il faut que j'en remette une couche pour être un peu vulgaire. Et je ne sais pas là, qu'est-ce qui relève de quoi? Est-ce que ce ministre français sait très bien ce qu'il fait? Enfin, il sait très bien ce qu'il fait, mais est-ce qu'il fait pour obtenir une confrontation? Est-ce qu'il le fait parce qu'il veut dire qu'il est vraiment dans le camp du bien? Est-ce qu'il y a des deux? C'est difficile à dire. Par contre, ce qui pour moi est évident, c'est que en s'exprimant de cette façon-là, quelle que soit la volonté qu'il y a derrière ce Le Drian, hein, en s'exprimant de cette façon-là, on augmente, eux qui disent toujours « les mots peuvent tuer », les mots finissent par tuer, regarde-toi dans la glace. Tes mots peuvent tuer, parce que tes mots peuvent entraîner une confrontation qui va aller très loin. Parce qu'il est bien évident que, à partir du moment où l'on réclame un Nuremberg pour Vladimir Poutine et ses généraux, parce que naturellement il n'y aura pas que lui, on va provoquer une radicalisation de la Russie. À partir du moment où je suis un chef d'État et je sais qu'en cas de défaite ou en cas de, si jamais je veux arrêter, on me dira non parce que maintenant il faut vous présenter devant une cour pénale internationale, ben, je vais pas arrêter, je vais aller jusqu'au bout. Hein. C'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé avec Adolf Hitler. On dit, à la fin, il y avait des garçons de 14 ans qui étaient mis sur le front, c'était vraiment le fanatisme d'Hitler. Ben, je m'excuse, mais enfin, quand on dit on va écraser votre pays, on va tous vous pendre, et vous allez être livrés aux soviétiques, on prend les enfants de 14 ans à la fin, hein, et on leur met un Panzerfaust entre les mains en disant, ben, si tu arrives à avoir un ou deux chars, ce sera toujours ça de gagner, hein, je veux dire, bon. Donc, par ces mots, Le Drian, lui, par contre, pousse au crime. C'est ce que j'appelle, moi, un pousse au crime. Je dirais, c'est un pousse à la violence. On ne doit jamais faire ça. Et c'est ça le problème. C'est que quand on veut vraiment, normalement, si on prend la définition de la guerre, ce sont des moyens violents pour rétablir un droit. Au départ, c'est ça. C'est-à-dire que la guerre, les moyens doivent être minimum pour pouvoir rétablir le droit. On ne doit pas aller au-delà des moyens. C'est ça le droit de la guerre. Pour peu qu'il y ait un droit de la guerre, mais il y en a un. Donc, normalement, ce que l'on doit vouloir faire en faisant une guerre, ou quand on veut intervenir dans une guerre, que ce soit d'abord diplomatiquement et après militairement ou quoi que ce soit, on doit toujours dire aux deux belligérants, ou tous les belligérants, écoutez, il n'y aura pas de rétorsion après. Ce qu'il faut d'abord, c'est arrêter cette guerre. C'était ça le problème. Et c'est pour ça qu'avant, il n'était pas question d'une cour pénale internationale. Parce qu'on disait aux gens, bon, à partir du moment où la guerre va s'arrêter, on va oublier qu'il y a eu une guerre. Par exemple, lorsque Charles VII est rentré dans Paris, lorsque les Français ont reconquis Paris pendant la guerre de Cent Ans, il est évident que les Anglais étaient installés dans Paris depuis pas mal de temps. Il y avait pas mal, aujourd'hui, on dirait, le collabo de Français qui étaient collaborateurs des Anglais. Charles VII a refusé qu'il y ait la moindre épuration. Il a dit, on a reconquis Paris, c'est fini. On oublie ce qui s'est passé. Parce qu'il savait que sinon, ce serait des vendettas à n'en plus finir. Et c'est pareil pour la guerre. La guerre, normalement, on doit dire, bon, ça s'est enflammé, on n'a pas pu se mettre d'accord pour résoudre un point de droit. Ici, ça part sur l'Ukraine, hier, c'était sur la Pologne, ça a été sur le Koweït, avec bon, etc. Et on dit, bon, ok, ça s'est envenimé, on en est venu aux mains. L'important, c'est d'abord d'arrêter la guerre. Or, pour que la guerre s'arrête, il faut que tout le monde soit sûr qu'après la guerre, il sera sauf. Alors, à partir du moment où on commence à dire, on va peut-être le kidnapper du Kremlin pour le porter, on va nécessairement entraîner des radicalisations de tous les côtés. Voilà. Donc, pour moi, c'est criminel. Ce que dit Le Drian, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête sur ce qu'il s'est passé, pour moi, c'est criminel. Ce sont des mots criminels. Oui, exactement. Voilà ce que je ressens. Après, ce qu'il y a derrière, les motivations de Le Drian, moi, je les connais pas et c'est très, très difficile. Hein. Mais pour en revenir justement à ce qui s'est passé dans cette enclave, là, où on ne sait rien, je vous rappelle que sous Saddam Hussein, on a dit pendant des années qu'il avait fait gazer un village kurde. Hein. Il avait fait gazer un village kurde. C'est Sabra et Shatila qui m'empêchent de dire. C'était Al-Abja, je crois. Voilà. Eh bien, il s'est révélé que quand il y a eu une enquête, le gaz qui a été poison, c'était pas du gaz qui était utilisé normalement par les Irakiens. C'était plutôt du gaz qui était utilisé par les Iraniens. Alors, la conclusion n'a jamais été portée, mais ça voudrait pas dire que les Iraniens ont voulu gazer Al-Abja. Non, ça, la conclusion, c'était plutôt, bon, bah, il y a eu des tirs, puis à un moment, il y a eu des tirs ratés. Et puis, ben voilà, il y a des missiles qui sont tombés là, mais c'était pas une volonté. Donc, vous voyez, et pourtant, pendant des années, on a cessé de dire, il a fait gazer les Kurdes. Non, c'est aujourd'hui, on n'en est même pas sûr. Je veux dire. Tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, normalement, on devrait s'interdire de se prononcer sur un cas. Donc, encore une fois, quand on entend Le Drian ou qu'on le lit en train de nous dire c'est un crime contre l'humanité, mais non. Oui, c'est parce que il a dit ça 48 heures après les faits ou 24 heures après les faits. Ce qui est fou. Et surtout pour un. Bon, tu as dit, oui, c'est pas du tout lié à la quantité, c'est lié à la qualité. Mais ah, tout à fait. Je veux dire, un missile qui tombe sur une gare, enfin, je veux dire, dans un contexte de guerre. Bon, on prend le temps de réfléchir, je veux dire quand même, hein, je veux dire, et visiblement pas au Quai d'Orsay. Donc en fait, Non. En fait, on a bien compris que il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, il faut charger. Et, tout à fait. Bon, enfin, moi, je veux dire, écoutez, ce que tu as dit et ce qui me paraît frapper au coin du bon sens, les gens peuvent ne pas aimer Vladimir Poutine. Les gens peuvent ne pas aimer les Russes, ou la Russie, ou la société russe, telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas la question. On voit qu'il y a absolument pas. Il y a une intention. Cette intention vient de gens dont on sait, parce qu'ils ont déjà procédé ainsi ailleurs, c'est une intention belliciste. Bon, ce sont des gens qui cherchent un conflit. Ils poussent visiblement les Russes dans leur dernier retranchement. Et on utilise leur dialectique le fait. Oui, visiblement. Je veux dire, c'est parce que tout ce qui est convoqué en même temps, au bout de quelques semaines, est tellement écrasant que. Ce qui n'a jamais été utilisé d'ailleurs contre pratiquement d'autres. En tout cas, pas aussi vite contre d'autres pays, pose beaucoup d'autres questions. Et quand on se dit. Je voyais encore là, un navire russe a été coulé en mer Noire. D'ailleurs, le navire amiral de la flotte russe a été coulé en mer Noire. C'est pas rien. C'est un affront considérable au prestige de la Russie. Ça passe pas facilement en Russie, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'on découvre au-delà de la péripétie? On découvre qu'il y avait des missiles nucléaires à bord. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise, oui, mais c'est les Ukrainiens qui ont fait... Oui, moi, je ne suis pas sûr que ce soit tellement des Ukrainiens qui ont opéré l'action en question. Mais ce que j'observe, c'est qu'on se permet maintenant de couler des navires avec des têtes nucléaires à bord. Et que ça passe comme une lettre à la poste. Et qu'on accuse Vladimir Poutine, grosso modo, d'être le nouvel Hitler. Alors, je pense pas que c'est le nouvel Hitler, déjà d'une chose. Et deuxièmement, c'est pas la question de savoir ce qu'il fait de bien ou ce qu'il fait de mal. C'est que quand on sait ce que ça signifie dans la rhétorique occidentale, bon, c'est censé se terminer très très mal quand même pour l'intéresser. On nous dit que, je vois ça aussi, que la Finlande va rejoindre l'OTAN. Donc ça, donc ils sont gouvernés par une femme. Et cette femme-là, qui est une socialiste, maintenant veut rejoindre l'OTAN. Et on nous dit ça va être réglé dans quelques mois. Mais quelle était la cause originelle de la confrontation en Ukraine? C'était que l'Ukraine pouvait devenir, sans être un membre de l'OTAN, en tout cas un partenaire tellement significatif de l'OTAN qu'elle pourrait devenir une base logistique et offensive de l'OTAN. Parce que même sans être membre de l'OTAN, en fait, l'Ukraine pouvait déjà servir considérablement l'OTAN en tant que base de départ pour une action militaire offensive contre la Russie. Okay. Et ça compte, ça existe. Pour un État comme la Russie, ça existe ce type de menace. On peut dire que Poutine est un mythomane, qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi, que l'Ukraine n'est pas une menace. Peu importe, si vous êtes un chef de l'État russe, quand vous voyez l'Ukraine se rapprocher de l'OTAN, vous ne pouvez pas ne pas faire comme si ça n'existait pas. Vous êtes obligé, de toute façon, si vous ne le faites pas, votre opinion publique va vous demander de regarder ça de plus près. Donc, je te permets juste d'interrompre en disant que lorsque l'Autriche et l'Espagne étaient liées ensemble, la France n'a cessé de s'inquiéter justement de cette politique possible de rapprochement des deux pays et de la menace qu'elle faisait pour elle. Donc les Français sont bien mal placés pour dire que Vladimir Poutine n'a pas à s'inquiéter de la position de l'Ukraine. Il est évident qu'à partir du moment où il y a un pays proche qui peut servir de base pour une offensive, un chef d'État, a le devoir de prendre des mesures. Pour moi, c'est évident. Encore une fois, je dis ça sans avoir aucune sympathie ni pour les Russes ni pour Poutine. J'ai encore aucune antipathie contre eux, mais voilà. Non, mais absolument. Alors maintenant, on a cette femme à la tête de la Finlande qui dit « Je vais rejoindre en urgence l'OTAN. » Alors que c'était la ligne rouge en Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la Russie, à aucun moment, a signifié à la Finlande qu'elle avait des intentions territoriales contre la Finlande? Jamais! Alors, en fait, on est en train de provoquer les Russes à outrance, sur toutes leurs frontières. Parce que s'ils rejoignent l'OTAN, on étend d'autant évidemment les frontières offensives contre l'OTAN. Ça veut dire qu'il y aura des missiles nucléaires. Etc. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche à apaiser ou on cherche à aggraver? On cherche à aggraver, manifestement. Quand les Français, quand les Allemands, quand les Espagnols, tous les membres de l'OTAN, quand les peuples ont été consultés sur cette politique? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre avec la mécanique des alliances. C'est que des États de 5 millions d'habitants comme la Finlande gouvernent. On ne sait même pas ce que pensent d'ailleurs les habitants de la Finlande. Ils ne sont même pas consultés. C'est censé se passer dans quelques mois. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Qui a eu cette idée? Je veux dire, c'est pas comme si ces mecs-là avaient un droit d'entrée. C'est pas parce qu'ils sont anti-russes qu'ils ont un droit d'entrée dans le club. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, on parle avec une puissance. Et c'est ça aussi qui, je crois, devrait nous interpeller, c'est parce que, d'accord, les Ukrainiens ont résisté avec détermination à l'invasion russe, notamment dans le Nord. D'accord, ok, tout ça très bien. Mais probablement parce que Poutine a décidé ça à la dernière minute, parce qu'il n'était pas très sûr de son armée, mais peu importe les détails. En Ukraine, il ne veut pas tout écraser. Il fait de la casse. Mais il ne veut pas tout écraser. En Finlande, il n'en a rien à foutre. Je vous assure qu'il n'en a rien à foutre. Poutine n'envahira pas la Finlande. S'il veut régler le sort de la Finlande, ça se terminera avec des missiles nucléaires tactiques, une pluie de missiles sur tout le territoire jusqu'à ramener ce pays économiquement 70 ans en arrière. Ça sera aussi simple que ça. Il n'y aura plus un pont, plus une usine, plus rien dans ce pays. Ça n'a aucune logique militaire. Ça n'a aucune logique militaire ce que font les Finlandais. Qui décide de quoi là-dedans? Qui pousse à quoi? Vous voyez, on est en train, et alors on est en train tous, parce que la France est membre de l'OTAN, et en plus c'est un membre nucléaire, un des rares avec la Grande-Bretagne. Nous sommes en train de nous faire traîner par le bout du nez par des États qui n'en sont pas. Parce que la Finlande, moi je veux bien, 5 millions d'habitants, excusez-moi, c'est une région française quoi. Bon, ils sont reconnus à l'ONU, mais c'est une région française. Donc ces gens-là nous traînent par le bout du nez dans une confrontation nucléaire avec la Russie, et il n'y a jamais un Français qui s'est prononcé là-dessus. Alors, et tout le monde dort. C'est-à-dire, c'est des élections présidentielles, personne ne s'affole. Vous voyez, de toute façon, cette technique de la provocation, c'est la technique des démocraties. Hein. C'est la technique, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Allemagne, la provoquer sans cesse. En Pologne, ils avaient raté le coup avec la Tchécoslovaquie. Ils ont fait ça. Hein. Et puis l'Amérique, hein, avec justement sa politique maritime. Hein, je veux dire, et elle a fait la même chose avec le Japon. Donc, il est évident que quand on regarde l'histoire et qu'on regarde ce qui se passe avec la Finlande, ça rappelle furieusement les provocations polonaises. Je suis désolé, mais c'est il y a de quoi inquiéter, ça c'est certain. Encore une fois, si on fait un parallèle avec l'histoire, Alain Logie n'est pas raison, me dira-t-on, c'est vrai, mais enfin quand même. Après tout ça, mine de rien, on remarquera une chose, c'est que à chaque fois qu'un dirigeant d'Europe de l'Ouest ouvre sa bouche pour parler de la Russie en des termes très bellicistes, c'est toujours soit une femme, soit un espèce d'homosexuel. Et à chaque fois, c'est le même scénario, c'est-à-dire c'est le comportement d'une femme, mais pas une femme respectable, évidemment, mais plutôt d'une pimbèche. Vous voyez, c'est le genre de femme qui va provoquer, chercher la merde, et après qui va dire « Chérie, s'il te plaît, déforme-moi hein, », et qui va se cacher derrière son homme. Ouais. Donc c'est exactement ça. À côté de ça, vous avez justement... On en pense ce qu'on en veut. Moi, je remarque que Viktor Orban, qui est un homme, hein, qui a ses couilles, bah, le type a cherché l'apaisement. Donc, je pense qu'il y a des conclusions à avoir là-dessus. Bah, de toute façon, en 1939, c'était pareil. Hein. Vous savez que fin août, il y avait des gens qui prévoyaient déjà des vacances pour septembre, parce qu'à l'époque, on pouvait prendre des vacances début septembre encore. Il y avait la majorité des gens ne prévoyaient pas vraiment ce qui allait se passer. Pourtant, c'était quand même terrible. On est dans une dynamique qui est encore une fois furieusement ressemblante. Et c'est vrai que dans ces moments-là, personnellement, je me méfie des femmes parce que voilà, c'est plus leur trip qui parle. Et j'avoue que je préfère avoir affaire à des hommes dans ces moments-là. Ça me paraît plus. Je dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont fous, hein, mais voilà, il y a plus de rationalité que chez les femmes. Alors, ce qui se passe avec la Finlande, en effet, c'est quelque chose de complètement fou, complètement fou. Je veux dire, pendant qu'il y a une guerre. Et qu'il y a un moment de tension internationale, sauf vraiment danger immédiat, on ne fait pas des alliances militaires nouvelles. C'est complètement fou de faire ça. Encore une fois, sauf danger immédiat. À supposer que la Finlande nous prouve que la Russie masse des armées à sa frontière, bon, là, qu'elle fasse appel, ça pourrait se comprendre. Mais dans ces moments-là, ça paraît complètement fou, quoi. Et on est vraiment dans une dynamique. Quand je compare avec donc le mois d'août-septembre 39, on est dans une dynamique qui est pour le moins inquiétante. Et c'est sûr, encore une fois, que c'est inquiétant parce que il y a des dynamiques que moi je ne peux pas analyser parce que ce n'est pas mon domaine et que je ne passe pas de temps là-dessus parce que j'ai trop de travail à faire ailleurs, mais il y a forcément des dynamiques extrêmement délétères. Et surtout, c'est ça qui est grave, c'est qu'en fait, nous sommes entraînés dans des conflits pour lesquels nous n'avons pas grand-chose. Nous ne sommes pas menacés par la Russie, tout comme en 1939, on n'était pas menacés par l'Allemagne. Et nous sommes par des jeux d'alliance que l'on ne maîtrise pas et que le peuple ne maîtrise pas. Nous sommes peut-être donc à la veille de faits extrêmement graves. Ah, pour moi, on est à la veille. Tu sais, Vincent, je te le dis en toute sincérité, moi je pense qu'on est à la veille. Et quand je dis Troisième Guerre mondiale, c'est pas pour me payer de mots. Je pense vraiment que c'est une catastrophe qui nous pend au nez. Quand tu vois von der Leyen qui est là, donc la même qui était cul et chemise avec Bourla, elle était là, toute hystérique avec Bourla, à Washington, en train de l'embrasser, etc. Maintenant, on nous dit on va faire adhérer. Alors, tu vois, donc c'est un pays, l'Ukraine, où ils sont à moins 50% sur le PIB. En une année, le pays est économiquement à genoux. Mais on ne compte plus les milliards d'armements qui affluent vers le pays. Donc pourquoi pour foutre à genoux la Russie, c'est ça l'objectif. La Finlande, après avoir vu que l'Ukraine a été attaquée par la Russie, préventivement selon moi, et dans les mêmes termes d'ailleurs qu'Adolf Hitler a employé contre la Russie, et bon, les Russes ne l'avoueront pas, hein. Ils n'avoueront pas ça. Mais moi, c'est pour ça que je légitime l'action de Poutine. C'est-à-dire que c'est une action préventive, exactement comme Adolf Hitler a agi contre la Russie de Staline. Parce que Staline préparait un sale coup avec Churchill. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est pour ça que je donne raison aux Russes aujourd'hui. Les Russes ont essayé de neutraliser quelque chose qui allait mal tourner en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on voit se passer dans la foulée ? Que la Finlande va devenir de fait partie prenante du bloc nucléaire. De la même manière, la Suède. Attendez, faut arrêter de nous prendre pour. Et nous, on va suivre ça. Moi, je pense que d'ici 12 à 18 mois, on devrait déjà voir un peu plus clair dans la catastrophe. Alors, malheureusement pour les Français, je ne crois pas qu'ils vont faire un choix salutaire. De toute façon, ça sera truqué au pire. Quoi, je veux dire. Voilà, donc ils vont nous remettre Macron. Enfin, sauf accident. J'en ai bien peur. Voilà, ils vont dire oui, voilà, 45-55, hein, comme quoi hein, la démocratie ça marche. Et on va nous dire voilà, bon, bah, à la loyale. Oui, à la loyale, on va cordialement suivre. Bon, tous aux abris, hein, parce que là, ça va être particulièrement moche, quoi. Voilà, bon. Ah, puis surtout, pardonne-moi de t'interrompre, mais. Il ne faut absolument pas qu'il y ait une guerre nucléaire. Moi, je sais, j'ai fait quand même... je suis sorti de l'Institut supérieur de la matière et du rayonnement atomique. Hein. Je veux dire, bon, j'en fais jamais cas parce que c'est pas une gloire. Mais si vous voulez, on avait parlé de tout ça. Et il est évident qu'en cas de guerre nucléaire, ce serait pas la guerre en elle-même qui serait terrible. Ce serait après... le fait qu'il y aurait l'obscurité sur Terre pendant des semaines, voire des mois. Je parle de guerre nucléaire générale, hein, sans parler de tous les dégâts qu'il y aurait à cause de tous les nuages qui seraient soulevés. Eh bien, il y aurait une obscurité assez forte pendant des semaines, voire des mois, et qui serait suffisante pour tuer l'agriculture. Puisque sans rayons solaires, les plantes dépérissent. Et donc, on en avait parlé déjà à l'époque. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas ces bombes plus tactiques. OK. Mais une guerre nucléaire, même les survivants seraient très, très mal lotis. Hein. Je ne donne pas cher de l'avenir de l'humanité. Hein. Donc... on peut pas. Le nucléaire, c'est pas du tout une guerre comme avant. Hein, je veux dire, c'est terrible. Hein. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut quand même. C'est ça, c'est inquiétant. Eh ben, j'ai pas l'impression d'avoir affaire à des dirigeants. Je pense qu'on a les pires dirigeants politiques de toute l'histoire humaine, en fait. Je pense que l'humanité, ça c'est ma conviction, hein, est une humanité hyper violente. qui fabrique des égrégores de violence absolue et que ça ne peut se terminer qu'en catastrophe s'il n'y a pas une réforme générale. Et vous voyez, c'est pour ça que souvent, moi, je dis, vous savez, vous voulez commencer à changer l'humanité, commencez déjà par vous changer vous-même. Et on n'est pas du tout dans cette logique. On est dans une logique de toujours plus de violence, toujours plus. Je le vois, par exemple, je ne regarde pas la télé, je n'ai pas Netflix non plus, j'ai suffisamment de choses à faire, mais il m'est arrivé, notamment chez les élèves, etc., de voir des bouts de films. J'ai toujours été abasourdi de voir, par rapport à il y a 30 ans, comment dans les films, la vie est comptée pour rien. Cette dose de violence et de crimes, mais desquels le criminel n'a absolument aucun problème, si vous voulez, ou celui qui laisse mourir n'a absolument aucun problème. Et je pense que les films sont en général le reflet d'une société. Et quand je vois maintenant comment les films sont d'une violence, d'une cruauté, etc., je pense vraiment que c'est grave. L'état de l'humanité est très grave, je le pense. Nous en jugerons prochainement, chers amis. Je vous propose de nous séparer sur ces notes extrêmement optimistes, hein, vous l'aurez remarqué. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chers amis. C'est Kael. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité. Je vous remercie pour cette discussion. Et je vous dis bien à la prochaine, quand vous le souhaitez. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et merci à DP de m'avoir invité.